Jesús te amo, Jesús te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor, mi fortaleza, eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Sin ti, Jesús, yo no soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir. La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús, te amo. Jesús, te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor, a ti cuti, Señor, fortaleza, fortaleza, eres tu Señor, Señor, y yo te canto de todo mi corazón, y yo te chanto de Señor, de tu boca. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. La force, c'est toi qui me la donne. Parce que toi seul, tu me remplis de ton amour. Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue. Jésus, tiens la bonne. Je veux être toujours à t'écouter, Seigneur. À ton lado, Seigneur. Ma forteresse. Ma fortaleza. Toi, Seigneur. Eres tu, Seigneur. Je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Et je te canto de todo mi corazón. Jesús, te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor, fortaleza, eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón, Jesús, yo te amo. Ça, c'est du Seigneur des esprits. Toi, une personne, tu parles avec lui. C'est ça. Tu vois, par exemple, quand parfois on prie, quand on était en France, on priait pour certains frères-là. Il y avait un serpent. Donc, quand on dit que, voyez le serpent là-bas pour prier, chasser le serpent, c'est-à-dire que c'est. Le Seigneur a montré que c'est un esprit. Tu vois, donc ça guide beaucoup. Ça aide. Le frère, il a connecté, hein. Tu me suis en solo. Tu me suis en solo. Tu m'as abandonné, hein. Bonjour, mon frère. Bonjour. C'est comme ça, maman, je vous prie. On ne t'entend pas, frère. Bonjour, bonjour. Allô? Bonjour. Allemagne dans la sainteté. Bonjour à tout le monde. Bonjour, frère. Je vois seulement le frère Benjenit par vidéo. La sœur Carole me montre seulement son sourire avec son mari. C'est un peu à faire le problème de connexion, frère. Le frère, tiens, bonjour. Bonjour. C'est comme ça qu'on abandonne son frère. Nous voici en face à face. Et tu m'accuses devant l'assemblée que tu as abandonné alors qu'on se voit maintenant là comme ça. N'est-ce pas, hein? Tu es de la cité, hein? Tu es mon frère. Tu ne peux pas me vendre au carrefour comme ça. Bonjour, la soeur Carole. Bonjour, frère. Bonjour. Le frère Christian, on ne te voit pas. On voit comment tu es énervé là-bas comme Xavi. Attends, je vais appeler. J'ai ma belle-sœur qui est venue me visiter là. Oui. Donc, pour qu'elle nous puisse joindre. Oui. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, allemand dans la sainteté. Le frère Benjénic reste tranquille comme ça. Il attend seulement parce qu'il va me bombarder avec les questions tout à l'heure. Il va dire, il se dit dans son cœur qu'il ne peut pas lui échapper aujourd'hui. Ça va, mon frère? Il attendait aujourd'hui. Il dit que j'attends le frère Junior là-bas. Alors, le frère Benjeni, c'est dans quelle ville en Allemagne? C'est à Berlin, c'est ça ou bien? Erfurt, c'est un peu près de Berlin. Près de Berlin. Sans incontestablement, la présidente de Darmstadt. Oberarmstadt. C'est à côté de Darmstadt. À côté de Darmstadt. Voilà. Darmstadt, pour rappeler aux chimistes qu'il y a un élément dans la classification périodique qu'on a donné le nom de Darmstadt, c'est justement dans la ville où cette recherche scientifique-là a été, cet élément-là a été découvert. Et la majorité des éléments dans la classification périodique dont on voit depuis la classe de 3e en chimie sont découverts là-bas. Le frère Christian également, bonjour. Bonjour, frère Junior. Tu es dans quel niveau maintenant? Tu es à Berlin ou tu veux talonner d'Angela Merkel? Tu es où? Francfort. Bonjour et bon dimanche. Comment tu vas depuis? Non, bien, merci. Depuis notre séparation en mai, on ne s'est plus vu. C'est la première fois qu'on cause maintenant de façon audible. Oui, on ne s'est pas vu, c'est vrai. Oui. Est-ce que tu as médité le démon que tu te souviens du jour où tu voulais chasser le démon? Tu dis, oh Seigneur, tu nous as donné le pouvoir. Et puis, et puis l'inspiration était terminée. Tu te souviens? Oui, bien sûr. Tu veux que je te partage, tu vois un peu encore ce que tu as fait? Non, on ne partage pas, n'est-ce pas? On va y revenir. Le temps d'attendre le frère Étienne pour qu'il... comme il a dit qu'il va... je crois que les autres parlaient des 21h. Est-ce que 21h serait bon pour vous? Puisqu'il y a des autres qui vont se préparer pour le lendemain pour aller au travail. 21h, c'est un peu critique, frère, parce que... à cette heure-là, on partage aussi avec les autres, quoi. Okay. Dans la séance, en fait. Ok, donc on va maintenir à 7h-ci alors, désormais, d'accord? Ça veut dire qu'après le premier pays du matin, je vais vous prendre, puis la Côte d'Ivoire par la suite. Parce qu'on a un décalage horaire avec 1 heure avec la Côte d'Ivoire. Ok. Donc je vais retenir que pour le... Nous prendre à 13h ou à 16h? Oh non, à 13h, aux environs de 13h, donc tout juste après ceux de la France. Puis donc après vous, donc je vais prendre les gens de la Côte d'Ivoire. Tu sais qu'en Afrique, on n'est jamais à l'heure, n'est-ce pas? Les autres frères, je crois que chacun pourra se connecter à tout moment dans le groupe pendant qu'on y est. Allemagne dans la sainteté. Qu'est-ce que le nom du groupe vous suggère, le frère Benjédit? Ça réfère à beaucoup de paroles déjà également. Ça, c'est un défi irréprochable qui était donné pour les femmes ou de la banque. C'est un peu ça en gros. J'ai bien pensé dans l'Allemagne, dans la sainteté. Hein. Le frère Christian, le nom Allemagne dans la sainteté, qu'est-ce que ça te suggère? Qu'est-ce que ça implique? En partageant là-dedans par rapport au titre BDA, même du nom du groupe. Bon, ça suggère déjà, je dirais, un truc positif. Ouais. Et bon, je poserai en même temps une question à toi en demandant est-ce que le nom pourrait être sur la personne par rapport au nom qu'on donne souvent à nos enfants. Oui, donc tu profites pour quand je dis par exemple que c'est déjà un truc positif. Oui. Tu introduis déjà la question, tu me commences à me bombarder avec les questions ici maintenant. Allô? Non, c'est toi en fait qui m'inspire en fait. Oui. Oui, le frère. Voilà, donc Le frère Étienne a une intervention. Frère Étienne, oui, on est, tu es en ligne. La connexion. Tu es en ligne, c'est toi qui as dit allô, on t'a passé, oui. On te passe en tête. Tu nous entends? Oui, je l'entends, j'entends. Ok. Je sais pas si tu as saisi ma question. Le frère Christian repose la question maintenant. Bon, le frère Junior, tu me demandais qu'est-ce que le nom me suggère. J'ai dit, bon, pour moi, c'est positif, quoi. Parce que j'ai dit quelque chose de positif. C'est-à-dire, quand on dit Allemagne dans la sainteté, c'est positif, c'est positif, ça dans quel sens? En quoi c'est positif? Dans la sainteté, dans ce sens que, bon, le nom déjà, c'est positif, quoi. Donc, on a déjà entendu ça, c'est-à-dire que quoi donc? Explique-nous la positivité, oui. Ça on veut savoir. La sainteté, c'est quelque chose de positif. C'est pourquoi je disais que, bon, les noms qu'on donne aux enfants, est-ce que cela pourrait avoir une répercussion? Ça, c'est clair. Ça c'est clair. Ça pourrait avoir une répercussion. Mais pour revenir à ce qu'on a dit, quand tu vois Allemagne dans la sainteté, qu'est-ce que ça implique pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour toi-même. Ça implique que... Pardon? Pour toi-même, quand tu vois cela, qu'est-ce que ça te donne dans le cœur? Qu'est-ce que ça dit dans le cœur? Oui, ça me donne l'espoir que je pourrais être aussi dans la sainteté. Voilà. Si toute l'Allemagne est dans la sainteté, alors je m'y réjouis d'y être. Mais si l'Allemagne dans la sainteté, c'est ça, c'est de façon collective. Maintenant, de façon individuelle, ouais. En tant que personne, toi comme étant une personne de l'Allemagne, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te donne comme message à toi? Si l'ensemble est dans la sainteté, alors moi aussi, je suis dans la sainteté également. Donc, il faut que l'ensemble... Donc il faut que seulement que les autres soient dans la sainteté pour que tu sois dans la sainteté. Ou bien tu allais dire que le nom parle des autres non, pour toi. Non, en fait. En fait, si le pays lui-même va mal, forcément, bon, ça n'irait pas forcément très bien pour une seule personne. Une fois de plus, tu parles de l'ensemble. Alors? Une fois de plus, tu parles de l'ensemble. Ouais. En toi, pour toi particulièrement, qu'est-ce que ça implique pour toi? Frère, tiens, pardon, pose la question autrement. Peut-être que je pose mes questions bizarres. Pose la question autrement. Oui. Qu'est-ce que cela implique pour toi? Allemand dans la sainteté. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi sans tenir compte des autres? Ok. Bon, ça implique tout simplement pour moi que bon, je suis aussi dans la sainteté. Ça, c'est automatique. Voilà. Alors, on peut commencer maintenant, n'est-ce pas, Brian? On peut commencer. Donc, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je prie donc que le Seigneur nous donne de comprendre dans cette plateforme sur l'implication de ce que les noms de ces pays-là, la France dans la sainteté, les États-Unis dans la sainteté, ce que ça nous implique. Ça veut dire en tant qu'individu. Parce que le Seigneur a dit, s'il vient dans une ville, il doit détruire une ville. S'il s'y trouve 5 justes. Pour avoir 5 justes, il faut commencer par 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Avant d'arriver à 5, donc il ne dit pas voilà les 5. On compte de personne à personne. Donc de façon individuelle, il faut que chacun de nous comprenne effectivement la nécessité de vivre dans la sainteté dans le pays dans lequel nous nous trouvons. Et ce n'est pas une affaire des autres, c'est d'abord une affaire de nous. Si le pays est gâté, ça suppose que ce sont les habitants du pays qui sont gâtés. Par conséquent, c'est nous qui avons gâté le pays. Et par conséquent, donc, il faut qu'on vive dans la sainteté pour pouvoir impacter d'autres vies. Comme le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise parmi les hommes. Donc, il n'a pas dit que les gens du monde sont la lumière du monde. Il dit que c'est nous qui sommes les disciples qui sommes la lumière du monde. Et par conséquent, c'est notre lumière qui doit luire parmi les hommes. Amen. Amen. Alors, vous avez là suivi les réalités du monde spirituel de Satan. Vous avez suivi ça, les 10 parties. Oui, j'ai suivi ça, mais ça fait longtemps quand même que j'ai suivi tout ça. Vous vous souvenez d'une personne qui serait allée en bordure des mers à Limbé? Vous vous souvenez de cette histoire? Oui, bien sûr. J'ai l'honneur de vous le présenter, le voici. Mais je crois que je l'ai déjà vu. Vous avez vu papa Joseph, n'est-ce pas? C'est lui au Cameroun. Voilà, le voici. Bon, salut au Cameroun. Oui, je viens saluer les gens ici là. Il ne doit pas vous inviter. Atakim ne veut pas venir vers vous, donc. Il en a déjà été séparé ici là. Viens, viens, donc, viens saluer tes frères. Viens saluer tes frères. Le frère Joseph de Douala au Cameroun. C'est lui donc. Frère Joseph, salut tes frères. Ouais. Salut. Shalom, frère. Shalom, shalom. Posez la question, s'il n'a pas, si le jour-là, il n'a pas vu l'esprit, il avait vu l'esprit, il n'a pas. Il avait même dit qu'il avait fermé ses yeux. Il voulait pas. Il entendait seulement comme Mikael Knight. Mais le talent, ça tant que c'est vivant, quoi. Mm-hmm. Les démons sont vivants, les esprits sont vivants. Mm-hmm. Bon, il est timide, mais quand il commence à parler là, vous ne lui posez pas la question, il ne parlera pas. J'étais là, le jour, ça priait, non, j'étais là. Voilà, ok, oui, tu étais là, je comprends pour toi ici. Oui, voilà, c'est le frère, là, le frère Étienne. Ah, voilà, frère Étienne, dans sa année que tu gardes le bon souvenir, que Dieu t'ait béni, mais j'avais même oublié cela. Le frère Benjeni, comme tu es calme comme le pape là, donc tu n'as pas de questions à poser. Je sais pas comment il se sent tellement. Ok, donc au moins celui-là a posé la question. Il dit comment tu te sens alors. Non, je me porte très bien. Il a même pris le poids. Donc Al-Takim l'a laissé. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors, l'ancien Camerounais aussi, délivré de Ekanka et autres. Le voici ici, il est là. Je ne sais pas qui les a fait venir ici ce dimanche-ci. Ils sont venus me troubler ici à la matin. Viens dire bonjour à tes frères. Chambre commune, maison commune, chambre. Maison commune, chambre. Ah, le voici. Ah, c'est Bilé. Frère Bilé, salut tes frères. Salut. Ah, je veux dire à mes frères que je t'aime bien. À la maison, le frère, c'est lui qui peut placer les choses à la maison. Non, ça c'est celui-là, c'est Philippe. Donc, voici le frère Billet, il est aussi venu pour nous rendre visite ce matin-ci. Maison commune, chambre. Voilà, c'est lui là-bas. Et Kanka et oui. Voilà, c'est le Benjeni a il y a encore qui ici, là. Il y a le frère Hervé. Bon, le frère Hervé, lui n'a pas le rencontré le satanisme. Lui, il est seulement un des conducteurs. Hein? Frère Hervé, salut tes frères. Bonjour, frère. Comment vous allez là-bas? Donc, on a passé de bons week-ends ici ensemble. Ouais, c'est bien. Comme tu nous as abandonné ici à la maison, tu croyais que la maison devait rester vide, la frère Étienne. Voilà les gens qui viennent toujours. Oui. Donc, on a passé d'excellents week-ends. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut commencer ce dimanche la première édition des Allemands dans la sainteté? Les autres, l'Espagne, la France, on est déjà à la deuxième édition, je crois bien, les États-Unis, ainsi de suite. Donc, que Dieu vous bénisse. Voici la première édition avec l'Allemagne. Mais, souvenez-vous, pour vous qui êtes en bordure de la zone où il y a la plage en Allemagne, Dieu est en train d'appeler le jugement sur l'Allemagne. Ça va barder exactement comme ce qui s'est passé aux États-Unis. Je vous le dis maintenant, déjà, pour que vous sachiez ce qui est en train de se préparer. Le COPS 23 a challengé son autorité. Et donc là, il y a un décret pour vous. L'Allemagne va souffler le chaud et le froid. Leur torpeur, Dieu va les réveiller avec ces choses-là. Mais quand cela va arriver, sachez que c'est à cause de vous qui êtes là-bas en Allemagne que Dieu est en train de faire cela. Parce que l'homosexualité, le péché sexuel qui se font là-bas, les choses qui se font dans les plages et ainsi de suite, l'ouragan va frapper là-bas. Ça va balayer également la zone. Vous avez vu ce qui se passait en Floride et autres là-bas, aux États-Unis. Vous allez croire effectivement qu'il y a des endroits où les gens n'ont jamais habité, alors qu'il y avait jadis des grandes constructions là-bas. Ça arrive sur les États-Unis, sur l'Allemagne, mais qu'est-ce qu'on doit faire en tant que peuple saint à l'intérieur? Il faut qu'on vive encore dans la sainteté, toujours la sainteté. Donc l'Allemagne, le doigt de Dieu est pointé contre vous, parce que c'est solide là-bas, comme lieu pour Antichrist. Voilà. Ouais. Donc, vos zones de plage, faites attention. Les zones où il y a l'eau, la zone particulièrement où il y a l'eau, vous savez, c'est bordure des eaux où les gens y vont. Quand ça va fondre là, vers vos pays, Vous allez savoir. En fait, ça va souffler parce que même les coins où il n'y a pas cette eau-là vont avoir les répercussions de cela. Il y aura l'état d'urgence. Les plans, vous appelez, je ne sais pas comment, vigile pirate ou comment, je sais pas quel plan d'état d'urgence, ils vont challenger. C'est qu'ils, comme ils disent qu'ils sont forts, ils disent qu'ils ont l'autorité pour pouvoir arranger les choses en cas d'urgence, ils vont voir de ce qu'il en est. Ils vont passer des semaines pour chercher des vies perdues. Alors, mes frères, dites-nous, comment vous voulez qu'on parle de quoi aujourd'hui? Je crois que j'ai transmis, Seigneur, je suis libre maintenant de cela, enfin. Je pense avant que tu te connectes, on était en train de parler un peu de l'aptitude, des prédispositions qu'on peut avoir quand on n'est pas encore né de nouveau, oui. Et qui pourraient se révéler être des dons ou bien des appels que Dieu a prévus pour nous, quoi. Oui. Donc, peut-être que nous donner encore un peu d'informations par rapport à cela. Mmh. Parce que la sœur, par exemple, quand elle était plus jeune, il y a des choses qu'elle voyait, des visions qu'elle avait, et parfois on essayait de la convaincre que ça vient de Dieu. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez que j'en parle là-dedans? Oui, un peu, parce que bon, c'est vrai que dans notre parcours, parce qu'il y a un frère qui a posé une question, si cela était seulement valable pour les apôtres et les prophètes. Je lui ai par exemple parlé de mon cas. Moi, je ne suis pas un apôtre, je n'ai pas un prophète. Tu es donc quoi, frère? Tu es donc quoi? J'ai un autre appel. C'est-à-dire j'ai un autre appel que je l'ai dans le soin de découvrir. De trouver. Donc tu dis ce que tu oui, n'es pas. Tu dis déjà ce que tu n'es pas, mais tu ne dis pas ce que tu es. Voilà. Tu es trop, voilà. Tu es trop intelligent, mon frère. Oui. Donc, il y a un certain nombre de choses que je vivais déjà, mais qui plus tard, n'est-ce pas, dans l'exercice de la fonction, c'est visible, quoi. Oui. Et donc, c'est pourquoi on se posait un peu des questions. Oui. Comment est-ce que ça se passe, quoi? Oui. Je sais qu'à ce moment aussi, tu as donné parfois certaines informations par rapport à toi. Quand tu étais petit, tu voyais parfois les trucs que tu disais. Comment connecter ça à la vie chrétienne? Voilà, c'est très bon. Bon, hormis de. On peut commencer là déjà. Oui. La première chose qu'on va noter en lisant la Bible, c'est que normalement, Dieu peut utiliser même quelqu'un qui ne lui appartient pas pour parler et on comprend ça comme une prophétie, comme une parole du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu utilise quelqu'un pour parler. Je vais prendre deux ou trois exemples dans la Bible pour vous expliquer cela. Ouvrons deux chroniques. Merci, Père. Ouvrons le livre de deux chroniques. Deux chroniques. Vous vous souvenez de l'histoire de Josias, n'est-ce pas? Avant Josakim. Quand il a réparé le temple. C'est quand même une histoire. Est-ce qu'un deux chroniques. Vous y êtes? Ok, permettez-moi de trouver. Dans le livre des deux chroniques, chapitre 34, où ça se trouve? Ça se trouve là-bas, ce qu'il veut dire. Il veut vous montrer quelque chose. Notez les chapitres 34 et 35. Il va expliquer d'abord ce qui se passe au chapitre 34, dès que vous y êtes. Il se trouve que les Juifs ont désobéi et puis Dieu a amené toute la calamité sur Israël. Et à un moment donné, on va commencer à vouloir nettoyer le temple, on va trouver le livre de la loi. Et là-bas, on va se rendre compte que les malédictions que Israël est en train d'être essuyé, c'est à cause du fait qu'ils ont désobéi à la voix de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Allemand dans la sainteté, que Dieu vous bénisse. Amen. Il faut que nous comprenions que Dieu nous appelle à vivre chacun de façon individuelle dans la sainteté, malgré les coups bas de la chair, malgré ce que le monde peut nous donner comme publicité mensongère dans notre âme pour pervertir notre âme, nous devons tenir ferme et grandir dans la sainteté. Amen. Donc, je tente de dire donc que dans ce temple-là, on va trouver dans le livre de la loi mentionner les imprécations qui sont arrivées, qui ont atteint Israël. Et là, le roi Josias, oui, venant au pouvoir à l'âge de 24 ans, il va restaurer la chose, faire la réforme des voies du Seigneur jusqu'au point où ils vont célébrer la Pâque de l'Éternel en cette année-là. Et là, ils ont commencé à restaurer des choses. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose pour répondre à la question, pour expliquer un peu ce que je tente de dire. Ce n'est pas sur la restauration, ni sur ce que je tente de dire, sur sa façon de faire qu'on va faire. C'est par rapport à un style de façon de Dieu d'utiliser même les non-chrétiens. Enfin, même les non-chrétiens. les non-croyants pour pouvoir exprimer sa volonté à lui. On va prendre tout cela. Regardons au chapitre 35 maintenant. Regardez. Chapitre 35 des 2 Chroniques, verset 20. Je vais lire. Vous y êtes? Donc, lisons chapitre 35 des 2 Chroniques à partir du verset 20 jusqu'au dernier, c'est-à-dire le verset 27. Suivez très attentivement. Après que Joseph eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre. Ici, nous voyons donc le pharaon Néco. Pharaon Néco, c'est le roi d'Égypte qui ne sait point Dieu. Et ici, se trouve, c'est ça qui est bizarre avec cette histoire de Dieu-ci. Ici, se trouve en plein une personne qui a restauré la maison de Dieu, a fait exactement la volonté de Dieu telle que c'est écrit dans la loi. Et il a fait meilleur que le roi qui était initialement avant lui, Manassé, qui a remplacé lui également son père. Comment il s'appelle? Regardez, la Bible déclare, après cela, donc, ils sont allés se combattre à Carchémish. Verset 21, et Néco lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Écoutez bien attentivement. Et Dieu m'a dit de me hâter. C'est Pharaon qui parle comme ça. Vous avez remarqué, Dieu s'est écrit avec grandi chez vous. Le frère Étienne, son image est posée. C'est facile, sa fonction chez lui. Tu me suis, frère? Oui, okay. Écoute, mais c'est comme si la connexion... N'est pas j'entends. Bon. Ok, c'est bon. Dieu merci. Alors, il dit, et Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi de peur qu'il ne te détruise. Non, mais c'est quand même curieux la façon de Dieu de fonctionner. Pas vrai, frère? La personne qui sait Dieu est du côté de Dieu. Là, il y a le temple de Dieu, a restauré les choses de Dieu et est fonction de Dieu au point où Dieu va dire dans le chapitre 34, si vous lisez, prenez la partie du chapitre 34, que Dieu va envoyer la prophétesse lui dire effectivement que comme tu as eu à cœur de prendre les choses de Dieu à cœur, tu as eu à lamenter, t'es déchiré, prendre la cendre, voici donc Dieu veut restaurer ta maison, Dieu veut te donner une maison stable, tu vas descendre, je vais te recueillir auprès de tes pères. Dieu dit qu'il va le recueillir auprès de ses pères, mais c'est lui qui parle de sa mort là, sans lui dire la façon dont il va mourir. Ça c'est au roi Josias. Mais ici se trouve dans la guerre qui est engagée entre la maison d'Israël, enfin pas la maison d'Israël, avec la maison de Juda. Et Néco, Pharaon Néco. Pharaon n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Mais ici, il dit, c'est Dieu qui lui a dit, hâte-toi de monter pour traiter cette maison-là. Il n'a pas dit cela à celui qui est son serviteur, Josias. Écoutons très exactement ce qui arrive. Verset 22. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer. Écoutez bien. Sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Et c'est quand même terrible la Bible. Alors frère, comment Dieu a pu aller parler à Pharaon jusqu'à dire que lève-toi, va combattre contre quelqu'un qui est de moi pour le tuer? Vous voyez ça, n'est-ce pas? J'arrive avec la question que vous avez posée. C'est plein dans la Bible. C'est plein dans la Bible. Alors ici se trouve dans un autre endroit où Dieu parle à un mondain de s'adresser aux croyants. Et c'est ça qui fait bizarre. Parce que normalement, on s'attendrait à ce que qu'un prophète sort d'Israël pour aller dire à Josias que ainsi parle l'Éternel, ne monte pas contre Néco Pharaon. Mais c'est la personne qui vient combattre pour dire que Dieu m'a demandé de monter. Donc, toi, quitte-la en dehors de cela parce que c'est la maison que je suis censé venir corriger. Toi, tu es un bon type. Quitte en dehors de là, ne fais pas la guerre là. Comment Joseph pouvait faire pour croire à cet homme-là qui est un Égyptien, qui est un incirconcis? Vous comprenez ça, frère? Donc, en clair. Dieu peut utiliser même un mondain pour parler à un chrétien. Dieu. C'est plein, j'ai dit bien, c'est plein dans la Bible. C'est plein dans la Bible. Si vous lisez, lorsque le Seigneur va venir dans Jean au chapitre 12, vous lisez le chapitre 11 de Jean au chapitre 12. Au chapitre 11, à partir du verset 45, lorsqu'il va ressusciter Lazare, la Bible déclare que quand les gens vont voir que Lazare était ressuscité et que les gens allaient croire en Jésus à cause de la résurrection de Lazare, ils vont aller dire ça au Sanhédrin et le Sanhédrin va se réunir. Et là, ils vont se réunir. Ils vont dire, vous n'y voyez rien. Que tous vont à lui. Il est notable. Il faut que nous un seul meurt pour tout le peuple afin que tout le peuple soit sauvé. Le Saint-Esprit dit effectivement dans ces versets 46 et 46 de Jean chapitre 11 que or Caïphe étant souverain sacrificateur, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur, il prophétisa. Vous voyez cela? dans le groupe que Jésus passe le temps à insulter, race des vipères, et ainsi de suite. Il dit qu'il prophétisa que non seulement le Seigneur devait être tué pour eux, pour le peuple seulement, mais c'était afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Mais Pharaon, Caïphe, lorsqu'il parle dans cette réunion-là, c'est comme nous sommes aussi en train de parler. Vous voyez, à un moment donné, le Saint-Esprit saisit d'une voix, il parle, mais si on ne peut pas savoir que c'est le Saint-Esprit, c'est difficile. Imaginez donc quand Pharaon Necho en train de parler à Joseph, à Josias. Vous pensez que quand Pharaon Necho en train de parler à Josias, est-ce que Josias entend la voix du Saint-Esprit? Il entend la voix de Necho qui lui dit, non, hâte-toi de quitter là, quitte mon chemin, c'est pas toi qui viens combattre. Mais pourtant, on dit que c'était la voix de Dieu qui parlait comme ça de Necho. Prenez le cas des conseillers de David. Vous connaissez le conseil de David, il y avait Hushai, il y avait, comment s'appelle, l'autre là. L'autre conseil, c'était comment là, il s'appelle comment, Bégénique? Achitophel. Voilà, la Bible déclare d'Achitophel que lorsqu'il donnait le conseil, c'est comme si c'était Dieu qui parlait en personne. Donc un conseil du roi, quand il y avait une situation, quand on lui posait le problème, il restait comme ça 2 minutes. Quand il sort le conseil qu'il donne, si vous allez interroger Dieu, c'est ce que Dieu va dire. Donc il avait le don de conseil, mon frère. Le don du conseil. Vous voyez? C'est pour cela que quand on a donné le conseil, David a dû prier. Lorsque, souvenez-vous quand Absalom a pris le pouvoir. David a dit que le conseiller là est resté du côté d'Absalom, c'est qu'on est fini. Il était obligé de prophétiser, Seigneur, anéantit le conseil d'Achitophel. S'il ne faisait pas cette prière, tous les conseils qu'il devait donner à Absalom devaient suivre. Vous voyez? Maintenant, il fallait qu'il confronte le conseil d'Achitophel à celui de Hushai. Quand il est rentré, il a dit, tu seras utile auprès du jeune Absalom. Il est allé là-bas, tout au moins, chaque fois qu'on donnait le conseil, Achitophel donnait le conseil, tout le monde suivait ses conseils. Mais là-bas, quand il a donné, comme David avait prié en disant que Seigneur anéantit son conseil, Hushai a dit que non, le conseil que Achitophel a donné là, pour une fois, ce n'est pas normal. Il a sorti sa part de conseil là, qui venait de Dieu pour pouvoir anéantir ses conseils là, pour une fois. Les gens ont dit, ah non, souvent... Achitophel dit les bons conseils, mais pour Hushai semble être bon. Or, pour Hushai, noyer comme ça Absalom pour que David soit restauré du trône. Donc, vous voyez effectivement que Dieu peut parler au travers des peuples, peut parler au travers même des mondains. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Même le mondain, vous allez voir effectivement, vous pouvez vivre dans le péché, aller dans le monde. Vous entendez un non-croyant qui n'a jamais lu la Bible te dire que toi qui es chrétien, est-ce que tu dois faire ces choses? En réalité, ce n'est pas lui qui en a les dit. C'est le Saint-Esprit qui dit comme ça au travers de lui pour te ramener à l'ordre. Vous comprenez ça, frère? C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à discerner ses voix. Plus tard, si tu es restauré, tu peux dire à ce mondain que ce que tu m'as dit a changé ma vie. Ça m'a poussé à me régler devant le Seigneur et dire que je t'ai dit quoi. Il ne se souvenait même pas que tu avais déjà dit même un jour que est-ce que vous les chrétiens vous faites cela? Parce que c'est le Seigneur qui s'est saisi de sa voix pour te parler. Donc nous voyons ici dans ce passage des 2 Chroniques, chapitre 35, nous voyons que Necho, Pharaon, vient dire à Josué que c'est Dieu qui lui a dit. Et le Saint-Esprit explique par la suite qu'effectivement, Josué ne l'a pas écouté alors que cette voix-là venait. Venez de Dieu. Amen. Amen. Allons dans le livre des juges maintenant. Juges. Que le Seigneur vous bénisse. Juges. Chapitre 7 des juges. Il y a le frère Yannick Christian, je crois que c'est Guy Yannick. Je ne sais pas comment faire, je n'ai pas son Skype, je voudrais poser avec lui, c'est urgent. Je ne sais pas comment je vais faire cela. Je peux t'envoyer son contact. Non, je ne parle pas de Guy Doris, je parle de Guy Yannick. Oui. Yannick, ouais. Pourquoi je n'ai pas son contact ici? Bon. Alors, regardez à partir du chapitre 7, soyons concentrés par ici. Regardez. À partir du verset 1 du chapitre 7 des juges. Jérubal, qui est Gédéon. Chapitre 17 ou pas, chapitre 7, frère. Je crois qu'Adam, je t'ai les éléments chimiques sont en train de troubler maintenant les ondes là-bas. Il y a des chapitres 7 des juges. De Yannick. Le son n'est pas bon, n'est pas clair là. Il dit de Guy Yannick, non. Pourquoi là? Donc, de Guyane, de toute façon, ça va? On en parle après. Allô? Oui, c'est bon, frère. Frère Benjenit. Allô? Oui, on te reçoit sans succès. Vous m'entendez? Allô? Essaye peut-être de bloquer le micro, peut-être ça pourra mieux passer. C'est stable, là, vous entendez, n'est-ce pas? Comment ça va? 5 sur 5, c'est bon. Frère Benjenit, c'est bon là? C'est bon, frère, c'est bon. Oui, c'est okay. Bon. Je... Ok. Frère Christian, donc, lis donc à partir du chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Ou bien verset 15, de 1 à 15 de Juges, chapitre 7. À partir de verset 1 jusqu'au verset 15. Jéruba, à partir de là. Oui. Ok, je lis. Jéruba, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le champ de Madian était au nord du sien. Le plus tard, au lit de. Jusqu'à la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu es avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Celui qui est craintif. Vous me suivez bien? Oui. Publiez donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant s'en retourne directement de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai, que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et tout le monde dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Je fis descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui la paieront avec l'eau avec la langue comme la le chien, place-les à part de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui la paieraient l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du monde se mit à genoux pour boire l'eau. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Ils prièrent les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et tire les 300 hommes. Le champ de Médian était au-dessous de lui. L'Éternel dit à Gédéon pendant cette nuit-là, lève-toi, descends au champ, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends vers le champ avec Hora, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends dans le champ. Il descendit avec Hora, son serviteur. Jusqu'aux avant-postes du champ. Jusqu'au verset 15, mon frère. Madian, Amalek et tous les Bédouins de l'Orient s'étaient abattus sur la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables. comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici qu'un homme racontait un rêve à son camarade. Il disait, j'ai fait un rêve et voici qu'un pain d'orge grillé roulait dans les champs de Madian. Il est venu jusqu'à la tente. Il a retourné sans dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit, ce n'est rien, Joas. L'homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le peuple. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revient au champ d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le champ de Madian. Amen. Amen. Voilà. Le frère, il y a beaucoup de, un peu de bruit chez toi, ça crée un peu d'interférence. Alors, regardons ce que nous avons lu, voici encore une autre histoire. Et regardez très attentivement. Voici quelqu'un que Dieu, une fois de plus, amène au combat. Le peuple juif, le peuple d'Israël, doit aller au combat avec le capitaine en chef, Gédéon. Là, maintenant, il y a beaucoup de tests que Dieu lui montre. Dès le départ, il a vu le Seigneur s'est présenté là-bas dans l'ange de l'Éternel et il a donné le sacrifice. Ça ne lui est pas, c'était pas suffisant parce qu'ils ont passé beaucoup d'années terrifiés par ce peuple les Madianites. Et donc là, il fallait une certitude sur plus que la sûreté qu'il fallait baser sa foi pour aller combattre. Parce que plusieurs fois, ils ont essayé, ils ont échoué lamentablement. Et là, il faut qu'ils aient vraiment quelque chose qui est sûr, qu'ils doivent savoir avec certitude que c'est Dieu qui a parlé. Là, maintenant, Dieu le dit, si tu doutes donc, dans ce cas, descend le matin, tu vas savoir de quoi il est question. Il descend avec son serviteur, il va. Nous nous trouvons ici dans un camp où, une fois de plus, on a le peuple de Dieu et de l'autre côté, le peuple ennemi. Dieu ne donne pas le songe à Gédéon, encore moins à une personne dans le camp d'Israël. Il ne donne pas le songe à un prophète. Il ne donne pas au sacrificateur. Il donne à un endroit, à l'ennemi, à un soldat ennemi. C'est quand même terrible. Et quand vous lisez le songe, vous voyez effectivement qu'il faut que l'interprétation vienne de Dieu parce que c'est symbolique. Il dit qu'il a vu comment quelque chose sortit là-bas, ça a saccagé tout le truc. Il voit le tonneau qui descend. Tout un truc qui descend, ou c'est le bulldozer qui descend, ça saccage. Maintenant, un, Dieu a donné le songe à l'ennemi. Deux, il donne l'interprétation à l'ennemi. Trois, il demande aux gens qui sont de lui d'aller écouter ce que l'ennemi va dire et son interprétation, n'est-ce pas, frère? C'est ça, effectivement. Et donc là, il vient, il se met quelque part dans une cacheterie là-bas. Et quand il vient, Dieu s'arrange à ce que lorsqu'il arrive là-bas, avant que l'autre là raconte le songe. Donc, celui-là ne peut pas raconter le songe tant que, Gédéon est encore arrivé au lieu. Il attend, le matin arrive, il dit, descends, tu vas attendre. Il descend. Ça dit que les pas qu'il marque petit à petit dans la brousse pour arriver là-bas, Dieu bloque ce monsieur-là jusqu'à ce que Gédéon soit là positionné. Plus tard, à la fin du monde, si on dit à ce monsieur-là que Gédéon était quelque part là-bas pour écouter son son, il ne doit jamais entendre. Il va seulement dire que jamais, quel est Gédéon, Gédéon était loin là-bas, en avant-poste là-bas. Il ne savait pas que ce qui sortait de sa bouche, c'était Dieu qui le poussait à parler. Il croit qu'il était allé donner son songe à celui qui, son voisin. Mais plutôt, c'est à Gédéon qui donnait l'écoute du songe. Celui qui donne l'interprétation ne sait pas effectivement qu'il est poussé par le Saint-Esprit pour parler. Il donne l'interprétation claire du songe, de ce qui va arriver. Et quand ils font comme ça, ils ne sortent pas du camp pour fuir, pour partir, pour dire, parce qu'ils connaissent la volonté de Dieu là-bas. Ils disent que c'est Dieu, quand tu as vu ça, ce n'est autre chose que l'Éternel des armées a livré le camp des Madianites entre les mains de Gédéon. Mais ça n'a pas empêché qu'il reste là-bas pour être détruit. Alors nous voyons effectivement comment Dieu peut utiliser même ceux qui ne sont pas des siens pour pouvoir accomplir sa volonté. C'est plein dans la Bible. Maintenant, le cas que nous touchons ici, maintenant, c'est le cas des serviteurs qui plus tard vont entrer dans le plan de Dieu. Et on se rend compte que dès leur jeunesse, Dieu les utilise. Je vais prendre par le modèle parfait, le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si vous regardez très attentivement, vous allez remarquer qu'à l'âge de 12 ans, quand il est monté au temple, il est allé dans un lieu bien précis. C'est pour cela que vous allez voir effectivement que quand j'étais dans le méditer dessus, j'ai écrit à côté de lui que vous voyez que ce qui arrive à tout le monde, même Jésus n'est pas accepté à cela. Lorsqu'il est monté au temple, c'était pour la festivité. On se retrouve là-bas, les fêtes finies, tout le monde est rentré, il cale dans le temple. Au point, on le cherche pendant plusieurs jours. Puis on rentre au temple, on voit un enfant de 12 ans au milieu des docteurs d'Israël, questionnant et répondant. On dit chacun était frappé par les réponses qu'il lui donnait. Quand ses parents sont venus dire, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Ton père et moi t'avons cherché pendant plusieurs jours. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Vous voyez ça, frère? Or, il va faire ça, c'est jusqu'à l'âge de 30 ans, environ 30 ans qu'il sera présenté à Israël, pour venir se retrouver dans les mêmes positions, avec ces mêmes styles de personnes, pour faire cette œuvre-là. Donc, dès l'enfance, il est porté déjà à l'œuvre qu'il doit faire, malgré qu'il n'est pas encore entré dans sa mission. Vous voyez que lui-même n'est pas accepté. Vous y êtes, frère? Le camp d'entraînement de Jean-Baptiste, son petit frère, c'est encore un autre. Le gars part dans le désert, commence à poursuivre les fourmis, il poursuit les rats, il poursuit les scies, il poursuit les scorpions. Après, il s'entraîne. Quand il coupe le bois pour pouvoir préparer, il coupe le bois. Vous voyez que son évangélisation va tourner autour des vipères, des serpents, des bois coupés, des haches, ainsi de suite. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas, frère? Parce qu'il est préparé ainsi. Prenons le cas, si on rentre dans l'Ancien Testament, on va encore voir tout cela avec le cas de Moïse. Moïse sort de l'Égypte initialement. Il n'y a pas de transition dans les corps pharaoniques entre un grand notable du roi avec un éleveur. Dieu le fait sortir du trône. Il va à Madian. Ce qu'il peut faire, c'est d'aller élever les troupeaux de son beau-père, Jéthro. Il les fait sortir, aller dans le désert. Je vous lance le défi de prendre seulement 4 brebis, aller dans le désert quand il fait chaud et pendant que l'autre se dirige dans une autre direction et puis pour aller chercher l'eau, vous les contentez un peu, voir. Vous allez comprendre comment, pourquoi Dieu l'a amené là-bas pour lui apprendre la patience pendant 40 ans. Pendant 40 ans pour apprendre la patience. Pourquoi? Parce que le peuple qui devait faire venir là-bas, dans cet endroit-là, plusieurs voix au milieu des brebis devaient sortir autour là, et tous deux. Et il va falloir les contenir comme il l'a fait. Donc dès le départ, durant sa jeunesse, sans qu'il n'entre encore dans son ministère, il était dans l'entraînement. Et ainsi, quand bien même on n'est pas encore entré dans la vocation qui nous a été adressée, très souvent, les éléments, et c'est toujours comme ça, pas très souvent, toujours comme ça, les éléments qui nous arrivent, les formations que nous retrouvons même dans le monde, que nous obtenons, les choix que nous faisons dans le monde, c'est contenu dans le plan de Dieu. Nous ne comprenons pas tout simplement comment il nous indique. C'est plus tard que nous comprenons le pourquoi il a posé telle ou telle chose, le pourquoi il a fait telle ou telle chose. Le cas de l'apôtre Paul également, c'est un autre cas intéressant. Quand vous le voyez fréquenter, verser dans les Écritures, étudiant la loi, vous allez vous poser la question, pourquoi un jeune homme de son âge va s'intéresser à une doctrine des pharisiens que ce sont les vieillards normalement qui s'y intéressent, au point où il est victorieux, avec la haine pour pouvoir être victorieux par rapport aux jeunes de son époque. La virulence dont il avait, dont il faisait montre, et la vivacité qu'il avait, la promptitude qu'il avait dans les enseignements pharisianiques, montre clairement, enfin vous voyez plus tard lorsqu'il y entre, comment il utilise cette même chose là contre eux. Quand il était allé pour prendre, il est né en Cilicie, quand il voit effectivement, avec l'octroi de la nationalité romaine dont il a eu, il pensait que c'était comme ça, c'était par rapport à l'exemple de la vie. La double nationalité, la binationalité dont il avait entre les juifs et les citoyens romains. Vous voyez effectivement comment ça lui a servi dans le ministère. C'est lorsqu'on le pas, on fait pas une fois, il comprend qu'ici le Saint-Esprit ne peut absolument pas faire quelque chose parce qu'on frappe celui-ci, c'est pas le Saint-Esprit qui sent. C'est lui-même qui ressent cela. Le gars a sorti maintenant son passeport. Son passeport rose. Il a dit, mon ami, vous êtes-il permis de frapper sur un citoyen romain? Ça a arrêté le coup de fouet là-bas, n'est-ce pas, frère? Il a compris que là-bas, ce n'est pas les versets bibliques qui peuvent résoudre le problème. C'est le passeport diplomatique. Ah oui. Et donc là, lorsqu'il fréquentait, lorsqu'il avait la citoyenneté romaine, il ne pouvait pas savoir ce à quoi ça devait servir. Mais ça devait servir de tremplin pour lui permettre le passage dans tous les royaumes romains pour pouvoir prêcher l'évangile à ces romains-là. La façon dont il était versé dans les Écritures, il était prédisposé, et ce n'est pas une capacité humaine, c'est la volonté de Dieu. Il était prédisposé à venir rencontrer ces gens-là, connaissant la loi, les connaissant leurs questions, leurs réponses, leurs tournures, leurs rhétoriques, pour pouvoir maintenant prendre la vraie vérité qui est dans la parole de Dieu pour les révéler là où ils faisaient erreur. Vous voyez, dans Romains chapitre 10, à partir du verset 1, il dit que maintenant, je les rends le grâce à Dieu du fait qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais il manque effectivement la connaissance. Parce que ne connaissant pas la justice de Dieu, ils veulent établir leur propre justice. Et effectivement, c'est ce que les pharisiens faisaient. Ils établissaient leur façon de faire, leur façon de servir Dieu. Oh, tu as passé quelque part, vous avez mangé le maïs sans vous laver les mains. Oh, vous avez fait telle chose le jour du sabbat. Ne connaissant pas la justice de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est comme ça. Prenons le cas de l'apôtre Pierre et voyons dans ce qu'il en est. Quand il était là, il est né. Dans tous les emplois qu'il puisse y retrouver, et on va revenir sur le cas de l'apôtre Pierre, vous allez effectivement voir par rapport à son travail. Par rapport à l'apôtre Pierre, je ne sais pas s'il va vite. Il va vite ou bien c'est bon. C'est bon, ok, merci. Alors, par rapport à l'apôtre Pierre, vous voyez effectivement, le Seigneur le trouve dans Luc au chapitre 5. Il a dit de pêcher du poisson. Il pêche du poisson jusqu'à ce que cette dernière soirée là où le Seigneur Jésus-Christ lui a dit que désormais tu seras pêcheur d'hommes. Parce là, à cette parole-là, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, l'entraînement est terminé. Viens entrer dans l'âge maintenant pour faire exactement ce à quoi ton travail se référait. Vous voyez? Donc, l'apôtre Paul, lui, il était faiseur des temps. Et qui dit tente, dit la maison. Et qui dit la maison, dit bâtir. Et il bâtissait la maison. Pour bâtir une tente, on commence à tresser, on fait les choses qu'on va mettre à la fondation. C'est donc normal qu'ils mettent la fondation comme un sage acheté parce qu'ils connaissaient la technique de construction des tentes. Vous voyez effectivement que les travaux dont il avait, dont chacun avait, poussaient comme ça dans la prédisposition de ce qu'il avait à faire. Dieu ne prend pas quelqu'un dont en un jour, il le met quelque part comme ça, il dit non, non, non, entre ici pour faire ces choses-là. Tout ce qu'on a fait dans le passé, en croyant qu'on le connaît, qu'on ne le connaissait pas. En fait, c'est nous qui ne le connaissons pas. Lui nous connaissait déjà depuis longtemps et nous a mis à part dès longtemps. Et les choses donc qu'il a prévues que ça arrive dans nos vies contribuent donc à notre formation plus tard pour entrer dans le travail qu'il nous appelle. Il dit bien, tous sans exception passent par cette voie-là. Et donc, par conséquent, même dès l'enfance, donc, il peut commencer à te donner les visions pour ton avenir. Les visions pour ton avenir, pour essayer de t'éclairer. Ça commence à faire les choix. Vous allez voir un enfant, pour rien comme ça, là, il commence à s'intéresser à la technique. Vous dites, qu'est-ce que celui-ci fait? Il voit un ventilateur, il commence à dépiécer. Vous lui achetez un portail, il veut dépiécer pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, Dieu commence à lui enseigner la rigueur d'être méticuleux par rapport à quelque chose. Quand il prend la parole, maintenant, quand vous courez en lisant la parole vite comme j'ai lu, là, il dit que non, frère Junior, ne cours pas. Regardons là-bas, il est écrit, c'est le, ce n'est pas là. Et là, tu commences à voir que le fait qu'il a dit le et là, ça change la donnée par rapport à la lecture. Donc, Dieu dispose les gens comme ça, que les gens entrent dans leur domaine, mais au préalable, il les dispose avec les formations du tas. Il n'y a pas une école où il met les gens pour dire que cours 1, maintenant, comment se comporter si on t'insulte? Non, non, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Il te prend dans le tas. Vous marchez comme ça, vous grandissez dans le tas. Regardez l'apôtre Paul. Quand il a pris l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il n'est pas allé embrayer quelque part que non, non, non. Passe d'abord 3 ans de formation comme les disciples pour être à leur niveau. Ce n'est pas comme ça. Vous voyez? Il le prend comme ça. Le lendemain, quand on a été baptisé, il a entré dans la synagogue, il a commencé à comprendre, à prêcher que Jésus était le fils de Dieu. Comment il a commencé? Il a pris cette doctrine. Chez les pharisiens, il n'y a pas ça. En fait, c'est même ça que les pharisiens font pour tuer Jésus. Et donc là, il se lève, commence à enseigner la même chose. Maintenant, le Saint-Esprit lui donne la révélation pour qu'il commence à connecter les écritures de la Bible à la personne de Jésus. La Bible déclare qu'il cherchait par la loi à convaincre les Juifs maintenant que Jésus-Christ était Jésus était le Christ. Comment il pouvait savoir puisqu'il n'a même pas vu Jésus? Alors, il fallait qu'il sache les œuvres de Jésus. Voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans la vision et à quoi cela référait. Frère, pour faire cela, il faut avoir été appelé de lui. Et donc, les clichés de nos passés. Regardez le cas de Joseph quand il était petit. À quelques 17 ans, Dieu lui donne le cliché de la prosternation de ses frères vis-à-vis de lui. Le fait que ses parents et ses frères vont venir se prosterner devant de lui. Il lui donne ça dans la jeunesse. Puis il dure longtemps, on le vend là-bas, il ne fait plus cas de cela. Or, même c'est Jacob là qui a dit que ta postérité sera étranger dans le pays étranger. Il ne dit pas à quel moment ça va se faire, à quelle circonstance ça va se faire. Or, il dit que tu seras appelé Israël. Mais ne sachant pas que c'est l'accomplissement en allant en Égypte au nombre de 70 et 75, c'est ce nombre-là qui va être devenu plus tard les gens qui seront tenus captifs pour que Dieu puisse les délivrer par la main puissante. Donc Dieu donne les clichés comme ça de notre vie et nous comprenons plus tard. Je vais glisser maintenant sur le cadre des songes. Remarquez très attentivement que pour ce qui est des songes, que tu sois chrétien ou pas, nous avons des songes. Que tu sois chrétien ou pas, d'abord longtemps avant que Moïse ne vienne même sur la terre, il y avait un monsieur qu'on appelait Job. Dans Job chapitre 33, verset 14, il dit parle cependant tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Parce qu'il a vécu avant Moïse, Job. Et donc là, il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une façon d'une autre. Quand l'homme est plongé dans le sommeil, il met ses instructions. Et on a vu là le cas de Pharaon qui était sous Joseph, comment il a mis les instructions dans son esprit, donner le plan parfait de ce qui devait arriver à Israël et surtout en Égypte et dans tout le monde entier par rapport à la famine et le moyen de restaurer. Et comme il appelle la famine, il décide de ne pas donner le songe à Pharaon, à Joseph, ni à un prophète, mais il donne à Pharaon qui a le pouvoir sur toute la terre. Donc Dieu peut donner le songe à Barack Obama, il peut donner le songe à Donald Trump pour commander le monde et changer selon sa vision à lui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il sera en train de parler comme il parle maintenant, il marche partout, il parle, on dit c'est un vat en guerre, que non, il appelle en guerre, tout le monde est contre lui, mais il est dans une vision divine que Dieu a de lui donner. Vous faites n'importe quoi, ça ne peut pas marcher autrement. Dieu lui a donné de faire telle ou telle chose. C'est pas si vous saisissez ici. Et donc là, par rapport au songe, Dieu donne le songe aux gens, même au marabout, Dieu donne le songe. Savez-vous ça, frère? Le Dieu de la Bible qui condamne les marabouts donne les songes aux marabouts. Vous savez ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, quand il donne le songe pourquoi? Pour le déroulement de son plan. Maintenant, si vous lisez Joël chapitre 2, qu'on reprend dans Actes chapitre 2 maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient, il est donc maintenant dans la période marquée par l'Esprit, ces songes seront fréquents et multipliés au milieu des croyants. C'est ce qu'il en est. Ce n'est pas parce que quand le Saint-Esprit vient que le songe commence. Non. Ce n'est pas quand le songe vient, quand le Saint-Esprit vient que les visions là. C'est que ça sera distribué de façon fréquente pour comprendre le plan parfait du Seigneur. Parce que dès le départ, avant la multiplication, avant la dispensation du Saint-Esprit sur et dans les hommes, les gens avaient des songes. Bien plus, les mondains avaient des songes dans l'Ancien Testament. Donc, dans la Bible, dans la période de grâce, on parle de la dispensation de ces choses-là dans sa multiplicité. Parce qu'à cet instant-ci, c'est Dieu parmi les hommes, Dieu dans les hommes, faisant son œuvre, en révélant son plan parfait. C'est parce qu'on se comprend, frère. Maintenant, lorsqu'on a eu tous ces clichés et toute cette formation de Dieu, lorsque nous sommes dans l'appel que nous avons maintenant, ça se multiplie maintenant. Quand le Saint-Esprit vient, donc, il vient parfaire ces clichés qu'il nous avait donnés. Vous savez, quand les clichés sont lavés en laboratoire, dans l'obscurité, quand ça vient dans la lumière, en plantant cela dans la lumière maintenant, on voit l'image que, donc, en développant, on voit vraiment la vraie photo, l'image qui a été filmée jadis et imprégnée sur le cliché, sur la pellicule. Là, maintenant, quand le Saint-Esprit vient, tout ce qu'il avait imprégné, donc, tous les moments que tu as traversé, dans les moments de formation initiale, donc, il avait révélé au fur et à mesure, là, on se retrouve dans la pleine révélation. Et donc, à partir de là, maintenant, on peut commencer à comprendre ce à quoi nous avons été appelés parfaitement. Comment il nous a mis à part. Comment l'apôtre Paul pouvait savoir que Dieu l'a mis à part dès le sein maternel. Comment il peut savoir cela? Vous voyez? Or, toutes les théologies qu'il va aller apprendre, tout ce qu'il va faire, la folie qu'il va faire avec Gamaliel, avait un but bien précis. Ainsi, le Seigneur permettra que certaines personnes passent par le maraboutisme. Vous avez quelqu'un qui a été marabout, il s'est repenti. Dieu lui permet donc d'entrer, d'autres dans la franc-maçonnerie, d'autres dans la rose-croix, d'autres même, pour les femmes, qu'elles avortent, elles avortent jusqu'à ce qu'elles voient les bontés du Seigneur, comment Dieu a été miséricordieux envers eux. Alors, Dieu fait passer les gens dans différentes manières, mais toutes ces manières-là, où il permet qu'on passe pour le connaître par la suite, ce sont des moyens de formation. Et les autres personnes sont des ivrognes. Ils te laissent, tu bois jusqu'à tu saoules. Après, tu dis, ok, tu as fini, oui. Tu as tiré quoi dans la boisson? Tu dis non. Tu dis, Seigneur, misérable que je suis, sors-moi de cette boisson, tu sors de la boisson. Là, maintenant, tu peux t'asseoir, tu comprends ce qu'ils boivent. Tu comprends le pourquoi tu saoules et le pourquoi ils saoulent. Et tu comprends comment faire pour s'en sortir parce que Dieu a été miséricordieux envers toi. L'apôtre Paul dira donc qu'il était au préalable un blasphémateur, mais Dieu l'a délivré comme ça pour montrer aux générations futures comment il est bon et comment il peut sortir tous les gens du péché parce que lui il était le plus grand pécheur comme il se considérait. Vous comprenez ça, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Micro ouvert, question à bombarder. Dans tous les jours, j'avais une question, ma question, sans revenir à ma question. Oui, quelle question? Pour le nom? J'ai dit, est-ce que le nom, parce que tu m'as posé la question de savoir qu'est-ce que le nom de la demande de la sainteté avec implication pour moi. Oui. Bon, j'ai reposé la question. Oui, mais je crois que j'ai répondu à ça tout à l'heure. Il dit que quand nous lisons la Bible, nous voyons effectivement que le nom a des implications sur les gens. N'est-ce pas? Et quand on lit la Bible, on voit effectivement que la majorité des personnes ont donné le nom selon les circonstances même de leur naissance. Ainsi, les 12 fils d'Israël, les noms de naissance étaient fonction de ce qui était donné. Enfin, même depuis Isaac. Isaac, ça veut dire qu'il a ri. Pas vrai? Parce que Sarah, lorsqu'on avait prophétisé par rapport à sa naissance, elle a ri en disant que le type, si là, quand il mange le pied de vache, là, ça lui fait le loi. Les prophéties viennent dans sa bouche, mais il raconte les histoires. Moi qui suis, j'ai 90 ans comme ça, on va voir l'enfant. Il a ri. Isaac, ce sera son nom. Vous voyez que même son riz était prophétique. Tu vois un peu cela. Sans parler d'Abraham qui a été changé en Abraham. À Sarai. À Sarah. Qui veut dire princesse maintenant. Israël. C'est-à-dire que Dieu vainqueur ou bien prince de Dieu ainsi de suite. Qui a été changé. Qui a changé et pris la place de Jacob. C'est plein dans la Bible comme ça. D'accord mon cher frère. Ouais. Moi j'ai une question par rapport à... comment comprendre ça par rapport à la manifestation des dons spirituels? À quel moment comprends-tu là? Parce que par exemple, je prends le cas de la sœur qui parlait de visions qu'elle voyait. À quel moment comprendre maintenant que maintenant c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir? Voilà, bonne question. Ça, c'est une bonne question. Regardons très attentivement ce que j'ai dit. J'ai dit dès le départ, Dieu nous utilise, mais il nous utilise à faible échelle là parce qu'on n'est pas dans la plénitude de notre don spirituel. C'est-à-dire qu'on peut avoir des visions, mais ce n'est pas fréquent. Si on prend la transition entre le moment où le Saint-Esprit se manifeste et avant, tu vas voir effectivement que là-bas, ce n'est pas parfaitement parfait comme le parfait devait se manifester. Mais quand le Saint-Esprit entre en action, maintenant, le Saint-Esprit te prend les choses pour te les révéler de façon claire et précise par rapport au plan de Dieu. Alors que là-bas, il donne les clichés, les bribes par rapport à cela. Donc, il y a un moment où le Saint-Esprit entre en action pour parfaire ces dons-là. C'est ainsi donc pour le cas des prophètes, par exemple. Dans la jeunesse, il peut avoir des visions, il peut avoir des songes, il peut avoir telle ou telle chose. Mais quand ils sont nés de nouveau, ils entrent pleinement dans leur ministère parce que la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit nous place dans un rôle et dans un corps, dans le corps particulièrement pour un rôle. l'utilisation de ces dons-là peut maintenant venir en pleine manifestation pour servir de l'utilité commune. Donc on peut savoir distinctement lorsqu'on est dans le corps et la différence entre la manifestation de ce plein don par rapport à ce qui s'est passé quand nous ne sommes pas encore en lui. Ok. Voilà. Benjeni va parler maintenant, vous allez voir. Si je prends par exemple... Qu'est-ce que je dis? Voilà, voilà, il va parler. Si je prends par exemple le cas de Joseph, bon, si ses frères l'avaient demandé quel est par exemple le signe de prophète, comme tu dis dans certains enseignements, il aurait dit le songe que j'ai eu. Oui. Bon, qu'est-ce qui diffère maintenant des autres songes que peut-être telle personne a et qui s'accomplit? Est-ce que c'est parce qu'un songe s'accomplit que de l'on peut savoir que là, on est prophète? Bonne question. Quelle est la différence? Bonne question. Voilà une très bonne question. Les prophètes également sont classés par catégorie. C'est une autre chose dont là-bas. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir manifestement que les prophètes sont classés par catégorie. Je veux toute votre attention maintenant. Il y a des prophètes qui ont les songes. Allons dans le livre des Nombres. Allons-y, livre des Nombres. Nombres. Livre des Nombres. Vous y êtes? Chapitre 12 des Nombres. Frère Étienne, lis un peu du verset 1 jusqu'au verset 8 du chapitre 12 des Nombres. Frère Étienne, ton micro n'est pas ouvert. Myriam. Et Aaron parlait contre Moïse au sujet de la femme couchite, qu'il avait prise car il avait pris une femme couchite. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme très humble qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et Myriam, sortez vous trois. Vers la tente de la rencontre, ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui l'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme, il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Amen. Donc Dieu reproche au serviteur, à un de ses serviteurs, d'avoir parlé contre son serviteur à lui. Il ne reproche pas ici à ceux de l'autre temps d'avoir parlé contre Moïse, mais au serviteur que lui-même il utilise. Alors, Les prophètes sont de niveau par niveau. 1. La constitution de l'esprit du prophète est différente de tous les autres êtres humains. Toutes les personnes sont des rêveurs. Potentiellement, on peut rêver. Mais je ne sais pas si la science peut arriver un jour à faire ces choses et si les prophètes peuvent se laisser consulter avec leur diagramme. Je ne sais pas ce que vous faites là. Ce qu'on fait, on filme et que ça sort sur un papier là. S'ils peuvent faire le test, ce test ici, ils vont voir que tous ceux qui sont les prophètes sont différents, ont une constitution, leur conscience est différente, leur conscience, leur domaine de conscience est différent de ceux-là, de toutes les autres personnes de la terre. Parce que leur constitution a été faite comme ça par le Seigneur. C'est parce que vous comprenez. Bon, maintenant, vous êtes dans les pays des scientifiques. Allez faire ces sciences-là, qui font ces recherches-là, ils vont voir donc, de quoi il est question. Alors, Dieu fait de telles enseignes que, remarquez très attentivement, nous sommes dans Nombre, allons au chapitre 22 là. Oh mon Dieu. Chapitre 22 de Nombre. Vous y êtes? Amen. Regardez, dans le chapitre 22 de Nombre, vous connaissez l'histoire de Balak, Balaam, et ainsi de suite, avec la malédiction du peuple d'Israël, n'est-ce pas? Vous y êtes? Amen. Comment le DBJ, comment tu lis comme ça? Allons rapidement au chapitre 23, lisons à partir du verset 6. Amen. tu n'auras souci ni de leur tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point. Ah, je suis dans le Deutéronome, pardon. Oh. C'est ça, courage bien, frère, courage. Bon. Tu étais tellement content que tu as ouvert un livre sans s'en rendre compte. Psaume 23, partie du verset 6. Mm. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste. Lui et tous les chefs de Moab. Balak prononça son oracle et dit Balak, chapitre 23. J'ai glissé rapidement au chapitre 22 et puis j'ai dit chapitre 23, verset 6 à partir de la liaison. On va encore glisser pour aller au chapitre 24. Et donc je continue. Balaam prononça, verset 7, Balaam prononça son oracle et dit Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. Stoppons là-bas. Donc nous voyons effectivement, Balaam, c'est les caractéristiques décrites dans le livre des Nombres. Écoutez très attentivement maintenant, ça risque d'être bizarre et contradictoire ou bien même renversant. Le chapitre 22, 23, 24 et 25 de Nombres explique, on ne peut plus clairement, les caractéristiques des authentiques prophètes de Dieu. Première chose, ça montre que les prophètes de Dieu sont enchaînés par lui, utilisables par lui seulement, même s'ils sont dans n'importe quelle défaillance. En fait, si vous lisez dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, l'histoire des vieux prophètes et des jeunes garçons, dont Dieu il a dit où le lion a finalement mangé là. Vous voyez, effectivement, quand il est rentré du champ, on lui a dit qu'il y avait un prophète, il est venu dire telle ou telle chose. Il est allé jusqu'à sceller l'amener. Quand il a commencé à manger, on dit la parole de l'Éternel lui est venue, dit que ainsi parle l'Éternel. Je t'avais dit de ne pas venir ici. Et il parle par la bouche de la personne qui est venue le corrompre pour venir. Ah mon Dieu. Alors, les prophètes sont enchaînés. Je ne sais pas comment on veut dire cela. Les prophètes sont encerclés par Dieu. Ils ne peuvent pas faire par eux-mêmes n'importe quoi. Si vous voulez, depuis la Genèse, ça se trouve, vous connaissez l'histoire de la bénédiction de Jacob avec celui d'Ésaü. Remarquez très attentivement, quand le papa a détecté que Jacob était venu prendre, il supplie la bénédiction de l'autre, il dit, je l'ai béni aussi, il sera béni. Il ne s'est plus retourné pour dire quoi que ce soit, parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu, la personne prophète, quand il parle, le monsieur charnel ne peut absolument rien dire là. Le monsieur charnel, qui est son papa, qui est le papa des enfants, peut avoir des sentiments pour son fils. Mais lorsqu'il va ouvrir la bouche, quand le prophète va prendre l'action du corps, il ne peut absolument rien. Le papa ne peut absolument rien. Donc il y a monsieur Isaac, et il y a le prophète Isaac. Deux personnes différentes, deux personnalités différentes. Le monsieur Isaac est assujetti aux intempéries de la terre, à tout ce qui peut se passer ici, aux pleurs et autres choses. Mais la personne d'Isaac qui est le prophète, à l'intérieur, l'a constitué et mise à part par Dieu et enchaînée par lui, lorsqu'il parle, même le monsieur Isaac ne peut absolument rien cela. Vous voyez, le cas de Balaam, c'est le cas de l'explication même de ces authentiques prophètes. Un, il dit ici qu'il est enchaîné. Il va même dire à ce peuple-là que même si vous allez me donner tout le bien de votre maison, je ne dirai que ce que l'Éternel aura dit. Donc en réalité, un vrai prophète, c'est comme ça qu'il est. Continuons, frère. On va voir le chapitre 24 tout à l'heure pour voir trois caractéristiques principales des prophètes et des prophètes de Dieu, les aigles, donc de Dieu. Verset 10. Qui peut compter la poussière déjà fort? Il dit le nombre du cas d'Israël. Et je demeure que je veux de la juste. Et ma main soit sans valeur. Balaam dit à Balaam, je te dis, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au camp de Sophine, sur le sommet de Pisga. Il bâtit cet autel et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Arrêtons-nous là-bas, mon frère. Où voit effectivement que les prophètes connaissent la volonté exactement de Dieu. Remarquez très attentivement que Balaam n'est pas sorti d'Israël, il n'est pas sorti de l'Égypte avec le peuple d'Israël, il n'était même pas avec Moïse. Mais Moïse bâtit cet hôtel ici, de ce côté-ci, il a bâti cet hôtel. Donc il connaît exactement comment il peut faire pour contacter Dieu. Ça, c'est un. De deux, quand Balaam est en train de poursuivre Balaam en lui disant que changeons de côté, parce qu'il a rendu, il s'est rendu compte que dans cette vallée-là, quand Balaam parlait, c'était la bénédiction. Il a dit que non, changeons de côté. Peut-être dans ce côté-là, tu peux venir voir finalement autrement pour maudire Israël. Ils ne savent pas que quand le prophète change, même s'il change n'importe quelle direction, la parole de Dieu ne peut pas changer. Parce que quand la parole de Dieu lui vient, il dira seulement ce que Dieu va dire. Même s'il prend ton argent, il dit, oh, sois béni, oh, oh, oh, oh, oh. Quand la personne va se mettre en action, il va dire ce que Dieu a en train de dire. Prenez encore le cas de Jésus, le prophète. Si vous lisez dans les évangiles, vous allez voir la même chose se positionner. C'est quand même curieux la façon de Dieu de se comporter, de Jésus de se comporter dans la chair. À plusieurs reprises dans le livre de Luc, au moins à quatre reprises, les gens font une fête à son honneur. Il y a le chef de publicain qui va faire une fête à son honneur. Il s'assoit dans la maison de fête. Quelqu'un qui l'a invité, il se lève là-bas, il dit à quelqu'un, à la personne qui l'a invité, il commence à l'insulter devant sa nourriture, il continue à manger sa nourriture. Il lui dit ses vérités comme ça, cash. Parce qu'ils ont invité Monsieur Jésus, mais le prophète qui est à l'intérieur ne peut pas le corrompre. Où est-ce là? Il se tient là-bas. Puis il a dit, quand cette femme-là est entrée dans la maison avec les pleurs en mouillant ses pieds haut là-bas, il se tourne là-bas, Simon, ce publicain là-bas qui l'a invité, le pharisien qui l'a invité, il dit dans son cœur que si cet homme-ci était prophète, il saurait de quelle espèce est cette femme. À cet instant, le Seigneur se tournait vers lui et dit, Simon, depuis que je suis entré dans cette maison-ci, tu ne m'as pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Vous voyez comment il dit à quelqu'un qui l'a invité? Il dit que cette femme, si elle est entrée ici, elle a commencé à faire telle ou telle chose. Il entre là-bas, au milieu de l'assemblée, dans un autre endroit, on lui demande, on dit, pourquoi tes disciples mangent sans se laver les mains? Il dit que vous, les pharisiens, il se dit à ceux-là qui disent, vous lavez la coupe, alors qu'à l'intérieur, vous êtes plein des ossements humains. Il insulte la personne qui l'a invité. Parce qu'en réalité, il ne peut pas se soustraire de dire la vérité. C'est comme ça le prophète. Donc, ces caractéristiques-là qu'ont les prophètes, c'est autre chose par rapport aux gens du monde. Les gens du monde peuvent faire n'importe comment. Tu peux essayer de le manager et te dire quand même la vérité pour. C'est une vérité pour ne pas te blesser. Mais quand le prophète, quand il ouvre la bouche, c'est tranchant, c'est ainsi par le Seigneur, parce que son esprit est fait pour comme ça. Ça sort du règne de la vérité. Ça sort du règne de la vérité. Mais l'esprit humain est constitué avec des petites intempéries des êtres humains. Celui-là, quand il entre. Enfin, chapitre 24, allons au chapitre 24. Chapitre 24. Verset 1 et suivant. Balaam dit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël. Balaam vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Vous avez vu ça? Attendez. Vous voyez quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas ici dans ce verset. On dit que c'est Balaam qui vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël. On n'a pas dit Balak. Balak, c'est le roi qui a coopté le prophète pour que le prophète vienne maudire Israël. On dit le prophète lui-même, le monsieur qu'on appelle Balaam, il a vu que Dieu trouvait bon de bénir Israël. Or, c'est par lui que la bénédiction passait. C'est-à-dire quand il mettait sept taureaux, il ouvre la bouche pour parler. Pas. Quand l'autre personne prenait action, c'est la bénédiction qui sortait. Lui-même, quand il revenait à lui-même, il dit que mince, Dieu ne fait que bénir le peuple. Et ça sort par lui. Vous voyez la complexité de la chose là maintenant. Maintenant, il a tourné son regard maintenant vers le désert. Oh mon Dieu, il m'aurait bien parlé de ce sujet. C'est maintenant, c'est tourné vers le désert. Continuons, mon cher frère. C'est tourné vers le désert. Balaam leva les yeux et vit Israël campé selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Stoppons là-bas. Là. On dit qu'il leva les yeux vers le désert et vit Israël campé. Maintenant, dites-moi, il est dans une position. Israël campait dans le tribu, trois dans les quatre côtés des tabernacles qui étaient construits dans le désert. Chaque fois qu'il campait dans le tabernacle, dans le désert, en Orient, à midi, dans le nord, au sud, et ainsi de suite, quand il campait, c'est trois pays, trois tribus qui campaient. La Bible déclare qu'il leva les yeux dans le désert, vers le désert, et il vit la façon dont ils sont campés. Comment, dans la position où il se trouve, à des kilomètres, il peut lever les yeux et voir ce campement-là, ce positionnement? Comment? Donc, l'œil ouvert est le premier des caractéristiques des prophètes. Vous allez voir ça tout à l'heure, quand on va réitérer cela. Il y a trois choses donc principales qui caractérisent les prophètes. L'œil ouvert. Quand il ouvre, quand on dit, il leva les yeux, c'est pas que, comme par exemple le frère, Étienne André décrit comme ça, et voilà, maintenant il a levé les yeux, il m'a regardé. C'est pas ça qu'on en train de dire là. Ouais, tout à l'heure il était en train d'écrire et puis il s'est levé comme ça. Il a levé les yeux en ce signe de mouvement pour me regarder sur l'écran, pour être attentif à ce qu'il est en train de dire. Mais c'est pas ce que Balaam lui il a fait. Ouest, là, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand cette personne, cette personnalité se met en place, il voit la chose sur l'écran. Il voit la chose se positionner devant de lui. Ça veut dire qu'il peut être, prenons encore le cas de Moïse, ça, vous pouvez voir cela avec Moïse. Quand Moïse est monté sur la montagne avant qu'il ne meure, si vous vous souvenez de la montagne, là, dans le livre de Théronome où il est mort, la Bible déclare que le Seigneur l'a fait voir en un instant tout Israël avec toutes les tribus positionnées. Mais comment au monde, comment quelqu'un peut être sur la montagne, il voit Zabulon de l'autre côté, Naphtali de l'autre côté, il voit Dan de l'autre côté, Simon de l'autre côté, Dan de l'autre côté, sans écran, sans fil électrique sur la montagne, mon cher frère. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ils sont partis où les Allemands là? Angela Merkel a pété le câble. Les Allemands sont là. Sainteté à l'Éternel. Yes, vous êtes là? On prend une respiration musicale. Est-ce que vous êtes là? Voilà, voilà. On revient. Il y a une petite coupure en fait, mais ça va maintenant. Oui, on a pris une respiration musicale maintenant. Alors, je t'en ai dit, quand Moïse monte sur la montagne, et que le Seigneur... Je crois que le frère Benjenitu est rentré, n'est-ce pas? Cette chose... Mais pourquoi vous riez tous comme ça, les Allemands? Vous riez pourquoi comme ça? Vous ne devez pas rater ceci. Maintenant, je dis, Moïse monte sur la montagne de Pisgah, avant qu'il ne meure là, de ce côté-là. Dieu lui montre toutes les... Vous avez moi là? Mais pourquoi les Allemands s'y rient? Pourquoi ils rient? Pourquoi me dire pourquoi ça veut dire rire? Frère, tiens, c'est quoi? Tu as fait une transition musicale. Okay. Il y a l'argent, travail. Mais Benjamin, c'est pour ça que toi-même tu ris aussi, n'est-ce pas? On attend la transition musicale, bon, on ne sait pas quelle sont va venir. Non. Ok, maintenant, donc, ça veut dire que la première caractéristique, ce sont les yeux ouverts. Les yeux ouverts, enfin, si dit, les yeux sont ouverts, ça n'a pas de sens pour tout le monde parce que, en réalité, nous tous qui voyons, nous avons les yeux ouverts. Donc, les yeux ouverts, je tente de le dire avant que cette légère coupure ne soit manifeste là, ce n'était pas pour dire, par exemple, comme le frère Étienne s'est baissé tout à l'heure, il se lève un peu pour fixer et attirer l'attention par rapport à la direction que je suis en train de parler. Ce n'est pas ça dont il a parlé. Ça suppose que, donc, son esprit, à un moment donné, se tourne. Regardez encore Moïse, là, le premier appel que Moïse, oh mon Dieu, je me sens vraiment bien là maintenant. Regardez, dans la Bible, si vous lisez la livre de Genèse, enfin Exode chapitre 3, lorsque Moïse va aller à cette montagne à chaque fois, remarquez très attentivement, on dit de lui que lorsque il est allé sur cette montagne là, alors qu'il faisait peut-être les brebis là-bas, subitement, quand cette flamme s'est positionnée là-bas, la Bible déclare que Moïse se détourna pour voir cette flamme, cette vision. C'est parce que vous comprenez. Amen. Ça veut dire que si toi et moi, on était positionnés à côté de Moïse, on se tourne à la même direction. Ce que Moïse voyait, vous ne pouvez pas voir. C'est parce que vous comprenez. Parce que cette flamme-là s'est passée dans la vision, pas physiquement, au sens physique. Parce qu'il voit quelque chose dans la vision, il voit un feu qui brûle les arbres, mais sans consommer. On dit qu'il s'est détourné, Regardez très attentivement comme la façon de ce messe-là. Mettez le doigt dans ce nombre, si on revient, allons dans... Exode chapitre 3, avant de voir ces choses-là. Vous y êtes? Amen. Oh mon Dieu, je me sens vraiment bien à ces choses-ci. Verset 1 à 4. Lisons. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu des buissons. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Ah mon Dieu. Oui. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, il répondit, nous voici. Gardez le mot. Dieu dit, non, c'est bon, frère, c'est bon. Si on parle à l'intérieur, là, vous allez me faire secouer aujourd'hui, là. Gardez le mot, mais voici. Chaque fois que vous allez voir ces prophètes-là, mais voici. Mais voici, c'est la réponse des prophètes à l'appel divin. Mais voici. Et il faut qu'il y ait un de ceux qui peut dire, mais voici. C'est pas comme on dit à l'enfant que tu es haut, il dit, mais voici. Je sais pas si vous comprenez. Ceci, c'est différent. Regardez. Moïse, la Bible déclare il s'est dit qu'il faut que je me doute. Il voit cette grande vision. Il dit, la Bible appelle ça grande vision. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé sur le plan physique au point où il voit une montagne de pluie en feu et puis il dit que mais ça c'est quoi ça, c'est quoi ça? Ça, ah mon Dieu, mon Dieu. Bon, je vais aussi dire ça comme ça. Je vais lâcher comme ça. Si ça peut lâcher, ça peut donner, ça donne. Ça peut faire un peu comment ça donne. À cet instant, donc là, la personne du prophète Moïse entre en scène. À partir de là, maintenant, le ministère peut commencer. Donc, c'est ce qu'il voulait dire en clair. Vous m'avez saisi, n'est-ce pas? Amen. Moïse maintenant entre en scène. Moïse, le prophète Moïse entre en scène. Ça, c'était, là, initialement, c'était le Moïse, le remplaçant du Pharaon qui est sorti de l'Égypte, qui est entré. À cet instant. À cet instant, vient en scène le prophète Moïse. Là, maintenant, quand il se tourne, ce qu'il a de voir, lui, ça, c'était troublant parce qu'en réalité, cette chose, ce style de choses, vous savez, vous pouvez rester comme ça à un moment donné, vous vous tournez là comme ça, ah, je ne sais pas comment expliquer ces choses-ci, vous vous tournez, vous voyez un événement dépasse, ça peut passer en quelques secondes, vous voyez quelque chose se dérouler. Et puis là, mais vous là, là, vous ne dormez pas, vous voyez un événement se dérouler là, au milieu des gens, vous pouvez quitter et puis vous êtes transporté même quelque part, vous voyez un événement se dérouler, en quelques secondes, vous vous tenez là. Vous me saisissez, frère. Saisissez-moi toujours, mais de toute façon. Une question un peu dans le décalage. Donc, ça veut dire qu'on peut ne pas avoir, donc, le, comme on dit dans nombre, je parle, mais dès le moment où le prophète entre maintenant en scène, c'est tout le ministère commence et là, l'œil est ouvert jusqu'à la fin du ministère. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Mais là, voici la chose. Le problème avec cette inconstance de cette vision ouverte et ses yeux ouverts constamment, c'est à cause du fait que nous sommes dans un monde déchu. Voilà le problème. Je ne sais pas si vous me saisissez. Vous comprenez ce que je viens de dire? Oui. Le fait que nous soyons... regardez bien. Le fait que nous soyons dans la chair a des exigences. Et la loi de Dieu dit que tout sous le soleil a un temps. Donc, tu ne peux pas avoir la vision constamment. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit constamment et pour faire les œuvres de Dieu constamment. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a les œuvres que la chair doit devoir faire. Alors, maintenant, si vous lisez le livre de Jérémie, par exemple, Dieu a dit à Jérémie que je serai avec toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce que je serai avec toi. Tu vois, effectivement, toutes ces choses-là. À Isaïe, il a dit la même chose. À Ézéchiel, la même chose. Mais le cas d'Isaïe particulièrement, il va dire oh, les gens vont venir le voir quand Nebuchadnezzar va amener une partie à Babylone. Les autres parties vont rester là-bas, ils vont dire, ok, allons consulter Jérémie pour voir s'il faut qu'on descende en Égypte. Ils vont aller prier. Combien de jours Jérémie va se mettre pour venir nous donner la réponse? 6 jours. 10 jours. Alors, en 10 jours, pourquoi Dieu ne parle pas à Jérémie le premier jour quand il parle? Pourtant, c'est dans Jérémie au chapitre 23 que Dieu lui dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dit mes paroles, pas vrai? Pourquoi il a fallu 10 jours à Jérémie pour que la réponse vienne? Vous voyez, donc quand il place la demande, il demande l'audience jusqu'à ce que ça soit accordé et que la réponse lui soit accordée. Il y a quelqu'un qui a une entrée là, je ne sais pas qui c'est. Le frère Guy Doris, bonsoir. Bonsoir, bonsoir frère, bonsoir. Bienvenue, tu m'as fait beaucoup de la peine dans les songes. Je ne sais pas comment vous faites. Non, il t'a dit bon, bienvenue dans le groupe allemand, dans la sainteté. Bonsoir, comment tu vas? Bien, bien, bien, frère. Voilà, le garçon, avec sa joue, on voit sa joue, on sent que ça fait longtemps, il n'a pas jeûné. Ah, ben voilà, le rire encore est venu. Et là, tu te trouves où, à Berlin ou à Dortmund? Non, je me trouve maintenant à, comment on appelle? Dans une ville avec Essen. Essen, vers Essen. Ok. Alien House. Donc, fais attention avec Berlin. Donc, alors, ferme ton micro, on va continuer de ce côté-ci. Oui, donc, fais attention avec Berlin. Alors, mais suivez très attentivement. Jérémie, donc, place la demande pendant 10 jours. C'est pendant 10 jours, jusqu'à ce le 10e jour, donc, que la parole vient à Jérémie le prophète. Vous remarquerez très attentivement que si on ne comprend pas cette façon de faire, vous venez poser une question donc, à Jérémie le premier jour, comme ces groupes de personnes sont venus lui demander les choses. Vous posez la question, il dit ok, je vais prier Dieu. Vous vous attendrez à ce que, ok, comme il cause avec Dieu, qu'il entre en contact et que Dieu lui donne la réponse, là, là. Dieu n'est pas obligé de parler au prophète, là, là, là, là. Je pense que vous comprenez. Dieu lui choisit le moment quand il va parler. Et Dieu parle comme ça, c'est pas pour dire que la réponse n'est pas donnée. Il peut lui dire autre chose, autre que la réponse, mais pour la réponse, le fait qu'il ne répond pas, ça veut dire que c'est sous-traitement. Son dossier a d'être traité. Je ne sais pas si vous saisissez ici. Et donc, il tente de dire donc que si la constance de la manifestation des prophètes dans le corps humain le tuerait lui-même. Ok. Je vais encore prendre un autre exemple d'un prophète pour que vous voyez. La personne qu'on appelle Daniel dans la Bible, vous avez remarqué que lorsqu'il a vu la vision, quand il a vu la vision, il est tombé comme mort au point où on a dû lui imposer les mains pour le ranimer. Vous savez ça, frère? Oh, ce qu'il voyait, ce n'était pas physique. Remarquez très attentivement que, si vous lisez Daniel chapitre 10, à partir de là où la grande vision vient effectivement, parce qu'il y a deux volets, ou bien trois volets dans le livre de Daniel. Il y a les songes que c'est le roi qui fait et il vient donner l'interprétation. Il y a des songes que lui-même il fait sur la couche et il a l'interprétation et la compréhension de la vision. Il y a donc le moment où, comme au chapitre 10, où il se tient là et il voit la grande vision de cette personnalité qui se prend là-bas à côté du fleuve Ézéchiel. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Et cette vision-là amène la terreur au point où les gens qui étaient aux côtés ne voyaient pas la vision, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas dans l'environnement. Quand il dit que lui seul, il a vu la vision. Et quand il a vu la vision, il était là tout tremblant, alors que cette grande ange se tenait au devant de lui. Terrible et terrifiant. Quand il a commencé à parler, Daniel, tu es un bien-aimé, car le jour où tu as commencé à parler, tes paroles sont sorties, les paroles sont sorties, c'est à cause de ta parole que je suis venu pour t'annoncer cette chose-ci. Ça annonce, cette vision annonce une calamité. Quand il a commencé à parler comme ça, l'affaiblissement de son corps a commencé à aller. Or, si Moïse vient dans la gloire avec Élie, il vient un pour fortifier Jésus et puis lui dire ce qu'il en est, parce qu'ils sont dans la gloire. C'est pas ce que vous saisissez. Sur la montagne de la transfiguration, et ils ne sont pas fatigués. Ça, c'est Jésus qui est fatigué parce qu'il est entré dans la dimension où la fatigue est perceptible. Il a pris la chair humaine. Or, ceux-ci sont au-dessus maintenant de la lumière, sous le soleil, tout à un temps. C'est au-dessous du soleil qu'il n'y a pas de temps là-bas. Parce que la loi dit tout sous le soleil, un temps. Les luminaires sont faits pour marquer des temps et des saisons. Et donc, il y a un temps où il y a cette manifestation-là. Autrement dit, si tu restes constamment avec les visions, un, tu vas commencer le vieillissement, les processus de vieillissement vont s'accélérer. Les cellules même vont se détruire. Même ton cerveau même doit être déconcentré. C'est-à-dire que tu vas être frappé d'étourdissement. C'est ça que je suis en train de dire. Parce qu'on ne doit pas vivre constamment dans l'autre dimension tout en étant ici. C'est pour ça que ceux qui font même le voyage astro, quand ils commencent à voyager de façon astrale, ils vieillissent vite. Vous entendez qu'une maman est sortie, quelqu'un est sorti, il est tombé sur un toit, pap, et en quelques secondes, il a vieilli. Ça, vous avez entendu ces histoires-là? On ne peut pas traverser cette dimension-là comme ça. Et donc là, les prophètes, c'est pour cela que les prophètes, Dieu a fait les concessions pour qu'ils aient les portes d'entrée. Ils ont les clés d'entrée pour entrer et revenir rapidement. C'est pas ce que c'est ici. Dieu envoie par exemple Jérémie. Il descend là-bas, il veut être chez le portier. Il descend, il s'assoit chez le portier. Quand Dieu lui dit, va chez le portier, il s'assoit là-bas, il va. Il voit comment le portier fait les briques, les vases, ça ne va pas, il casse, il refait ou autre. On dit, la parole de l'Éternel vient à Jérémie. À cet instant, la parole de Dieu vient à lui. Quand la parole vient à lui maintenant, cette personne se manifeste en lui. Lorsqu'il proclame la parole, après ça, il rentre chez lui comme tout le monde. Il mange comme toi et moi. Il dort comme toi et moi. Sauf qu'à tout moment, il peut entrer en contact avec l'autre dimension. Voilà donc là ce qu'il en est. C'est pour cela que les consciences sont constituées comme ça. Cette conscience-là, la façon de se constituer, on ne peut pas imiter cela. On ne peut pas faire cela. C'est donc pour cela que pour que les esprits des divinations puissent entrer dans le corps humain pour pouvoir habiter, il faut que le serpent vienne prendre le contrôle de ses pensées. C'est pas ce que c'est ici. Cette femme de Actes chapitre 16 qui a été délivrée de l'esprit de divination, ce n'est pas elle qui délivrait, qui voyait la vision. C'est la personne, l'esprit qui était en elle, qui voyait au travers d'elle. Parce que c'était un esprit. Quand l'esprit est chassé d'elle, elle ne peut plus voir quoi que ce soit. Elle sera exactement comme vous et moi. Remarquez très attentivement dans Actes chapitre 8, le monsieur qu'on appelle Simon le magicien. Tous les tours de magie qu'il venait de faire, c'est l'esprit qui le contrôlait. Mais quand cet esprit est ôté, la Bible déclare qu'il l'a vu. Maintenant, cette fois-ci, la voyance qu'il faisait, c'est avec ses propres yeux comme toi et moi. Il voyait comment le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Il a commencé à vouloir corrompre également cela pour qu'on puisse lui donner, pour qu'il puisse avoir cela. Parce qu'il croit que c'est quelque chose qui doit sortir de l'extérieur pour venir, pour nous donner la capacité de voir et avoir de l'argent. Donc mes chers frères, quand le Saint-Esprit entre en action dans l'esprit du prophète et que le ministère commence, la chose est là, la personnalité est là, mais il n'est pas constamment, en entrant constamment devant le trône. Parce que ce voyage-là, c'est navette d'aller et revenir. Mon frère, c'est dangereux pour son corps. C'est donc pour cela que Balaam va dire dans ce livre de Deutéronome, dans l'homme, comme on a dit au chapitre 24, il va parler de l'homme qui se prosterne et que les yeux s'ouvrent. Allons-y là-bas, voir frère. Donc, en clair, quand Moïse s'est détourné, je ne sais même pas pourquoi ils ont parlé même ces choses en allemand, mais dans ces grandes choses comme cela. Bon, allons-y, lisons Nombre chapitre 24. Allons-y dans Nombre là. Il y a sûrement les choses qui se préparent, c'est pourquoi on reçoit ces enseignements-là. Ah, maman, je suis étonné. Je suis étonné. je ne devrais pas déployer, je crois que ça, si c'est, je ne devrais pas déployer ces choses comme ça. Nombre chapitre 24. Verset 2, verset 3, c'est bon? Oui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui allait gouverner. Stoppons là-bas, voilà la première chose. De doucement, mon frère, vous ne voulez pas comprendre ces choses? Voici la première chose. C'est le prophète, c'est l'homme qui a les yeux ouverts. Souvenez-vous de Nombre chapitre 12, de ce que Dieu a dit par rapport à Marie, à Aaron et Moïse. La distinction qu'il a fait avec cela. Il a dit que Moïse voit chaque fois une représentation de Dieu. Le premier appel, il a vu une représentation de Dieu, le Dieu qui est le feu, qui peut brûler sans consommer. Vous voyez? Plus tard, il peut voir, il peut monter dans la flamme, vivre même dans cette flamme-là avec lui, au point où même son visage rayonne de cette même gloire. Ah, vous parlez de Moïse comme Christ en lui. Hein? Regardez, première caractéristique, l'homme qui a l'œil ouvert. Deuxième, continuons. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Deuxième, voilà la deuxième. Il entend les paroles de Dieu. C'est pour ça que presque la totalité des paroles de la Bible, des prophètes de la Bible, on dit que la parole de l'Éternel vint au prophète Jérémie. La parole de Dieu fut adressée à celui-ci. La parole de Dieu, il n'y a pas de prophète qui n'a pas de parole adressée. Il faut que la parole lui soit adressée. Vous voyez, n'est-ce pas? Et alors, il peut venir avec l'oracle en disant que ainsi parle l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok. Avançons. Deuxième, troisième caractéristique. C'est celui qui voit les visions du Tout-Puissant. Stop. Il ne voit pas juste les visions. Les visions du Tout-Puissant. Donc, le Tout-Puissant lui donne d'avoir les visions. Voilà les trois principales caractéristiques des prophètes. Les trois. Les autres maintenant. Parce que voir. Et ceci maintenant donc, implique automatiquement le discernement des esprits. C'est-à-dire que vous êtes en pleine délivrance, vous vous dites, voilà l'esprit des serpents là-bas. L'esprit des serpents. Quand tu l'as dénoncé, à cet instant-là, il doit quitter. Remarquons ce que l'apôtre Paul, quand il dit, pendant plusieurs jours, dans chapitre 17 dont j'ai parlé tout à l'heure, pourquoi l'apôtre Paul a laissé cette femme les poursuivre pendant plusieurs jours? Vous posez la question, pourquoi l'apôtre Paul, le bulldozer de Saint-Esprit, celui-là qui a le bulldozer avec deux styles de moteur. Pourquoi il peut bien, il y a bien deux styles de moteur, parce qu'il y avait le moteur des apôtres et le moteur des prophètes. Ça, c'est une machine vraiment du rouleau compresseur à grande envergure là-bas, l'apôtre Paul. Alors, pourquoi il laisse cette femme-là les pousser pendant plusieurs jours et que Jean est là-bas avec Luc, chacun entend la femme dire la même chose chaque jour. Vous voyez cela? Il entre en contact jusqu'à ce que la personnalité soit mise en place. Quand c'est mise en place, remarquez très attentivement, il n'a jamais prié. Vous voyez? Quand ces choses se mettent en place, remarquez, même chose s'est placée dans chapitre 3 avec l'apôtre. Je ne sais pas si le frère Christian comprend tout ce que j'en ai dit ici. Bien. Ok, bien, j'espère bien. Alors maintenant, regardez très attentivement. Quand l'apôtre Pierre, dans chapitre 3, va voir cette femme qui était là, cet homme-là, paralytique à la porte de belle porte, il va dire, je n'ai rien à te donner, je n'ai ni ordre, je vous souviens de cela. Mais au nom de Jésus, lève-toi. Au chapitre 9, lorsqu'il va, on va l'amener chez, comment il s'appelle, la femme Tabitha qui était morte là, la Bible déclare qu'il s'est prosterné. Vous remarquez qu'il est prosterné, avec le corps est là, il se prosterne. Frère, où est-ce qu'il part? Vous voyez cela? Il se prosterne. Après, il se lève, il dit, Tabitha, lève-toi. Il ne prie pas. Là, ce n'est pas la prière, ça. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, l'apôtre Paul, dans ce chapitre 17, va se tourner vers cette femme. Il dit que, la Bible déclare, Paul fatigué, s'est tourné. Il dit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de Python. Donc, depuis qu'elle parle, l'apôtre Paul amène cette voix-là devant le trône pour voir si c'est la voix de Dieu, parce qu'il disait les choses bibliques. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Alors, quand il s'est tourné là-bas, quand il a identifié quelle était la voix, la personne qui en est de parler, c'est la voix qu'il faut identifier et la source de la voix. Il a dit, toi, esprit de Python. Il n'a pas dit esprit de chien. Parce que si tu dis esprit de chien, ça ne s'en sortira jamais. On ne t'attend pas dans ce domaine-là. Il faut parler avec autorité et puissance. Toi, esprit de Python, je t'ordonne de sortir de cette. À l'heure même, il est sorti. Où est-ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, en réalité, dans cette dimension-là, avec les trois choses que tu as là, vous allez remarquer effectivement que vous prenez ces caractéristiques, vous mettez devant l'apôtre Paul, vous allez voir qu'il a cette caractéristique, n'est-ce pas, frère? Amen. Voilà. Il entend les paroles de la bouche. Parce qu'on dit de lui que lorsque dans son appel, qu'il va entendre la parole de la bouche du juste pour être témoin de ce qu'il va vivre. Il voit les visions. Dans la nuit, il a eu une vision, un macédonien qui apparaît. Il n'est pas venu donner à Luc. La vision n'est pas venue à Luc ni à Jean. C'est à lui. Parce que c'est lui qui porte parole. La Bible déclare dans Actes chapitre 14 que parce que c'est lui qui portait la parole. Vous savez, quand les Caroniens ont voulu sacrifier entre en disant que les dieux sont la forme humaine, les Ivoiriens ont commencé à déranger ici avec les appels là. Oh non, ne participe pas, on a démangé la grande nourriture ici en Allemagne. Sainteté en Allemagne, l'Allemagne dans la sainteté. Allons-y, continuons, frère. de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Oui. Quelles sont belles les tentes de Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a planté, comme des cèdres le long des eaux. Voilà, c'est bon, c'est bon. Voilà, là quelqu'un qui se prosterne, les yeux s'ouvrent et commence à dire les paroles du Seigneur. En clair, Balaam est le premier caractéristique, même le type même de vrai prophète. Balaam, n'est-ce pas mes frères? C'est quand même curieux. C'est quand même curieux que ce soit lui qui donne la description des vrais prophètes avec ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Un de ces jours, si vous me rappelez, je vais parler de la voix de Balaam dont on parle dans le livre de Pierre et de Jude, dont je parle. Pourquoi on parle de la voix de Balaam? Il parlait de Corée et autres là-bas. Donc vous allez voir. Lorsqu'il a, sachez que, souvenez-vous de ceci, Monsieur Balaam est mort, le prophète Balaam ne peut pas périr. Souvenez-vous bien de cela. Vous savez qu'au chapitre 16, au verset 30, là, il sera tué, n'est-ce pas? Il faut vraiment qu'on comprenne les prophètes, qu'on comprenne les prophètes. Donc, en résumé, les dons spirituels sont donnés et quand le Saint-Esprit vient vraiment, c'est pour ça qu'en réalité, ce qu'il peut conseiller à quelqu'un, c'est de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Lorsque nos facultés sont abandonnées entre ses mains, regardez très attentivement comment les satanistes fonctionnent avec l'esprit démoniaque, ou mieux quand quelqu'un est possédé par cet esprit. En prenant par exemple dans Marc chapitre 5, cette personne était tellement envahie par l'onction démoniaque au point où il n'avait plus le contrôle de ses propres vies. Parce que ce n'est pas normal qu'un être humain ne dorme pas sur la tombe, dans les tombes, en prenant les cailloux pour se maîtriser le corps lui-même. Et les scientifiques aujourd'hui appellent ça l'autoflagellation. Donc il prend les choses pour se flageller lui-même. Et ça va lui faire mal. Il tape lui-même son corps. Après il dit ah, avec sa propre bouche. Vous voyez? Donc il était tellement encerclé par cet esprit au point où sa propre personnalité avait fait place à cette personnalité où on va parler de troubles de personnalité. Ainsi, remarquez très attentivement maintenant quand le Seigneur va se tenir dans Jean chapitre 14 en disant à Philippe et aux autres que c'est le Père qui demeure en moi qui fait l'œuvre. Le Fils ne peut rien faire sans au préalable voir le Père faire. Donc, ce que le Seigneur Jésus-Christ allait dire, c'est qu'il abandonne ses facultés que le Père guide. Il abandonne ses facultés à l'utilisation du Père. Et si ce n'est pas le doigt de Dieu qui fait ces choses, c'est qui chasse le démon, le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, le vrai problème, c'est le concassement entre notre faculté et le Saint-Esprit voulant nous utiliser. Quelqu'un va se mettre en prière, par exemple. Il prie comme ça, waouh, et puis il entend rrr, rrr, dans ses pieds. Il dit, hé, hey, j'arrête d'abord la prière. Frère Junior, j'ai prié, mes pieds bougeaient. Qu'est-ce qui bougeait dans mes pieds? Si ça voulait te tuer, ça devait te tuer. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est comme le frère Hervé qui est derrière moi. Souvent, il me demande que, frère Junior, comment tu fais pour faire ces choses-là? Je lui disais que, frère Hervé, abandonne seulement ta faculté entre les mains du Saint-Esprit. Puis, aujourd'hui, tout à l'heure, on était prosternés dans la chambre. Il lui posait la question, lui aussi, parce que. Il y a une soeur qui venait me raconter parce que les choses se disent maintenant à l'assemblée que mince. Depuis qu'on a prié pour les frères Hervé, c'est les conducteurs ici, mais ils sont remplis de la puissance Inja. On disait donc que, ok, il est allé vers une soeur pendant qu'il prêchait, il a levé la soeur. Quand il a commencé à prier, la soeur est tombée, boum. Là, maintenant, il lui a posé aussi la question, dis-moi, comment, qui t'a dit d'aller vers cette soeur-là et pourquoi parmi toutes les soeurs, c'est vers celle-là que tu t'es levé. Et puis, t'es levé la soeur, il commence à prier et qu'il est tombé. Dis-moi, veux que tu m'expliques. Lui-même a dit qu'il ne sait pas comment il s'est fait. Et il s'est abandonné entre mes soeurs. Il s'est seulement vu aller devant de ses soeurs et la lever et puis quelque chose s'est passé. C'est ainsi que ça doit se passer. S'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire que c'est laisser téléguider par le Saint-Esprit. Si vous voulez vraiment comprendre scientifiquement, vous dites, mais comment on prie les mains font comme ça? Ça veut dire quoi? Continuez à poser la question, vous allez avoir la réponse. Vous allez voir. Vous comprenez? Quand vous dites, Seigneur, débarrasse tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie et utilise-moi comme tu le veux. Laissez-le donc utiliser comme il le veut. Vous voyez, vous êtes en train d'exhorter au moins quelqu'un, Dieu. Vous ne m'entendez pas bien. Ça va? Ma famille en Allemagne, c'est bon maintenant, c'est rétabli? Allô? Il y a interférence. C'est bon maintenant, ça va? Oui, c'est... Tout le monde, le frère Guy Doris, tu entends? Je crois que c'est les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens? C'est les Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire. Okay. Je t'écoute très bien. Je crois que c'est les Côte d'Ivoire qui sont en train de faire les imprécations pour dire que l'heure est arrivée, il faut qu'on vienne vers eux. Donc, je tente de dire que laissons tout simplement le Seigneur nous conduire. Le vrai problème, c'est notre interaction entre notre intellect, notre façon de penser. C'est que nous avons eu à glaner ça et là comme notre connaissance par rapport au Saint-Esprit. Si on pouvait seulement se laisser, vous voyez, comme sa divine puissance nous a déjà tout donné, ce qui contribue à la piété, à la vie. Laissons-nous tout simplement là-bas pour qu'il continue à mettre en nous ce qu'il faut. Laissons-nous tout simplement être guidés par le Saint-Esprit. Vous allez voir des choses inouïes. C'est-à-dire que ces choses, quand il t'utilise, quand tu viens, tu t'assois, tu vois effectivement que c'était lui faisant l'œuvre, pas toi. Tu vois cela, frère? Donc, il faut qu'on s'abandonne seulement entre ses mains. On laisse qu'il utilise notre faculté. Nos facultés doivent venir au point où ça doit se rabaisser pour qu'il puisse prendre le contrôle de nos sens. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Bon, souvenez-vous qu'il n'utilise pas les sens de n'importe qui, comme il le veut, comme il veut, quand il veut, de la même façon. Allemagne dans la sainteté, comment vous allez? Ça fait 1h36 que nous sommes en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Mais au fond, je ne sais pas. Amen. Comment on doit se laisser aller totalement comme ça? Comment arriver à ce niveau-là? Quand que l'intellect intervient. Non, c'est très simple. Tu dois te laisser aller comme quand tu pars dans le lit pour dormir. Comment tu fais là? À quel instant le sommeil prend contrôle de toi? Comment tu fais pour t'abandonner entre les mains du sommeil? C'est naturel. Vous pouvez me dire à quel moment vous dormez, à quel moment vous vous réveillez? C'est naturel, frère. Donc, tu vas dans le lit, tu te couches tout simplement. Peut-être tu peux être en train de lire. À un moment donné, le signe te dit ah. Donc, tu comprends qu'il est en train d'arriver. Ah. Et puis, tu déposes là, tu te tournes quelque part là. Peut-être tu fais bisous à ton mari. Et puis, subitement, tu te rends compte que tu as été réveillé le matin, n'est-ce pas? Ça consiste à dire, Seigneur, prends tout ce qui est de moi et mets tout ce qui est de toi. Je m'abandonne entre tes mains. C'est simple. C'est simple. La communion dans la parole, comme vous le faites là, ça va restaurer beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Vous allez comprendre des choses. Allemagne dans la sainteté, première édition, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Quelques questions encore? Y a-t-il encore des questions? Vous m'écoutez? Oui, je crois que la connexion s'est rétablie, n'est-ce pas? On ne t'écoute pas bien, ça, Carole. Ton micro. Oui, je ne sais pas si le frère a des questions. Je vais avoir attendre qu'il pose la question, peut-être. Donc, vous avez des questions là. Bon. Ça vient. Voilà. Si tu as des questions, pose alors. Moi, je vais poser après. Ok. Donc, ça concerne la matière 25, frère. Oui. Concernant ce dont on parle, disons, dans Matthieu 25 qui se tient devant le trône. Bon, la Bible nous montre que, bon, lorsqu'on met en bas dans, il y a soit le sang d'Abraham pour les chrétiens, soit le séjour des morts où on a vu Lazare le riche, ou la mère, disons, pour ceux qui font les pratiques et autres mystiques avec, en disant avec la mère. Bon, concernant ce de la brèche là, où est-ce que le sang bat aussi? Je te vois venir là. Tu veux qu'il explique l'histoire de la brèche là maintenant. Je te vois venir, frère Benjédic. Le moment n'est pas encore donné pour donner. Ouais, il y a un conducteur ici parce qu'ils savent effectivement quand ils disent là. Ce n'est pas encore permis que je parle de cela. D'accord, mon cher frère? Amen. Je vous vois venir. Le frère Doris, tu as des questions? Pas vraiment dans ce sujet. Ah, dans ce sujet. Dans acte 2, à partir de 44 jusqu'à 46. Oui. C'est pas très bien compris. Bon, acte 2, acte chapitre 2. Oui. Lis alors. Je vais essayer quand. Je cherche. Vas-y, lis. Le 44, ça dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et prendre grâce auprès de tout, le peuple et le Seigneur réalisent ce qui était sauvé. Au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. De quel temple s'agit-il? La Bible déclare, vous m'écoutez? Amen. La Bible déclare que sur la terre, il n'y avait qu'un seul temple au temps des Juifs, et c'est uniquement à Jérusalem. Et c'est de cet temple dont le Seigneur Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 22, 23 et 24, qu'il ne restera pas ici pied sur pied, qu'il ne sera détruit. C'est le temple où les Juifs allaient se réunir normalement. Et c'est le seul temple qu'il y avait et qu'il y aura toujours sur la terre. Il n'y aura qu'un seul lieu sur la terre que Dieu a pourvu pour y faire revisiter son nom, c'est à Jérusalem. Là-bas, sur ce mont-là, où, à l'esplanade, où il y a la mosquée d'Al-Aqsa maintenant. Donc c'est le temple où il y avait là-bas, où les gens partaient, parce que ce sont les Juifs, leur tradition veut qu'ils soient connectés au temple et à vos sacrifices. D'accord, mon cher? Oui, amen, amen. Et le verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Oui. Et ils avaient tout en commun. Oui. Tout en commun. Oui. Vraiment très bien. C'est-à-dire que ta voiture, là, je pouvais l'utiliser sans problème. Oui. Mmh. C'est ce qu'il a dit. Ah, ok. Donc, ils partageaient toutes choses en commun. En commun, entre eux. Ok. On a passé de bons moments quand on était en Allemagne, n'est-ce pas? Oui, frère. C'est que vous avez vu. Pratiquez-le. Mmh. Pratiquez-le. Amen. Je crois que le frère Iba n'a pas encore fini de publier tous les enseignements du Gabon parce que il a eu un vol de ses appareils avec lesquels il travaille en Côte d'Ivoire. Le temps que le Seigneur pourvoie encore par rapport à d'autres appareils, il y a plusieurs autres enseignements. On en a parlé au Gabon par rapport à chrétiens avec leurs biens, quoi que je ne sais pas moi ce qu'on en a parlé là-bas. Il y en a plusieurs autres enseignements et des témoignages qu'il n'a pas encore publiés. Il va le publier. Donc prends ton mal en patience, d'accord, frère? Vous permettez donc que je m'en vais du côté de Côte d'Ivoire maintenant, frère. Oui, mon frère. Frère, tu peux me donner même 2 à 3 minutes là. Maintenant. Après. Juste après. Oui. 2 à 3 minutes là. Avant de prendre les Ivoiriens. Oui. Avant de prendre les Ivoiriens. Donc on convient d'abord que les dimanches dès 14h, on travaille avec l'Allemagne dans la sainteté, c'est ça? Ou bien 13h. Non, un peu plus tard. Plus tard, c'est-à-dire quelle heure? Donne-moi qui t'arrange. J'ai dit parce que dès le matin, je travaille avec les Français. Après les Français, maintenant, il faut vous insérer. Vous et la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on regarde qui va passer en premier lieu. Parce que là, ils sont dès le matin. Qu'est-ce que vous suggérez? 13h ou bien 14h? Ou bien 16h? 14h alors. 14h, oui. Bon, choisissez entre 13h, 14h ou 16h. Comme ça, avec eux, je vais décaler donc devant tous après les Français. 14h, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? 14h. C'est bon? Frère, j'ai encore une question, s'il te plaît. Je voulais juste avoir des directives. Quoi. Oui, allons-y, ma soeur. Dans Apocalypse 20, verset 12. Même vous cherchez ici dehors. Même... Ouais, allons-y. Dans Apocalypse 20, verset 12, en fait, nous savons qu'il y a 4 directions après la mort, en fait, selon ce que j'ai lu. Il y a la mort, il y a le séjour des morts, il y a la mer, il y a le sein d'Abraham. J'aimerais bien savoir, quels sont ceux qui vont à la mort alors? Mais c'est moi qui choisis ceux qui vont à la mort. Non, mais c'est le séjour des morts. Oui, mais attends, est-ce que quelqu'un choisit là où il part? Si tu vas partir par là-bas, tu vas partir. On ne sait pas qui va partir. Ah, félicitations à l'enfant qui est né là. Comment il s'appelle le frère Guy Doris? Oui. Comment il s'appelle? Ah, il s'appelle Ruben. Ruben, donc comme mon fils alors. mon fils s'appelle Joseph, Josué Ruben. Donc c'est Ruben aussi. Bon, est-ce que tu as remercié C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est son prénom. Oui. Est-ce que tu as remercié ta femme d'avoir donné une bonne, des beaux enfants comme ça? Non, pas encore, frère, non, pas encore. Ok, tourne-toi vers elle. Je vais le remercier. Non, non, non, non, c'est qu'il y a un problème là maintenant. Je crois que là maintenant, frère Étienne, quelle est la sanction à lui affliger? Frère Étienne, quelle est la sanction qu'on peut donner? Quelle est la sanction? On lui accorde le bénéfice. On lui accorde. Non, on n'a pas de sanction. Donc, il faut qu'il le fasse. Ouais. Alors maintenant, officiellement, bonjour ma soeur, bonjour et bienvenue dans le groupe Allemand dans la sainteté, cette première édition. Alors mon frère, tourne-toi vers elle directement puisque nous y sommes maintenant et tu lui dis maintenant que le monde entier entend. Merci, merci. Ah, tu dis merci au groupe, merci à nous. Non, Sœur Christelle, merci de m'avoir fait de beaux yeux. Donc tu accouches déjà avec ta sœur. Tu accouches déjà les enfants avec ta sœur. Je sais pas. Vous le dites, c'est ça. Donc, là, je la sœur. Donc tu fais déjà les enfants avec ta sœur. Rappelle-la. Tu fais les enfants avec ta sœur, mon frère. Donc ta femme, c'est ta sœur comme Abraham et Sarah. Oui, non, c'est pas. Frère Doris, tu appelles ta femme ta soeur? Comment ça, Julien? Tu appelles ta femme ta soeur, mais c'est grave. Non, mais dis-le donc par rapport à vous, non? Ok. Ma femme, merci de m'avoir fait des petits. Très compris. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Je crois qu'il y a une autre chose qu'on doit enseigner, c'est le romantisme dans le couple chrétien. On va parler de cela. Voilà, vous voyez comment la femme acquiesce avec moi là-bas en montant du doigt pour dire que vraiment il faut que. Il appelle sa femme, il dit ma femme, il après dit ma soeur, la soeur Christelle. Donc tu commences à coucher avec ta soeur, mon frère. que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse la maison. Prends-en soin, Oui. Merci beaucoup. On t'attend. Si tu es atterri à Douala, je viens te chercher à l'aéroport. Amen. Que le Seigneur te fortifie le couple et prends-en soin parce que le Seigneur t'attend là-bas, que tu imprègnes l'image du vrai père et du vrai mari dans le foyer, d'accord? Je crois que quand tu vas venir au Cameroun, on va en parler. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour, encore une question, s'il te plaît. Tout à l'heure, tu avais dit que c'était une question que tu avais, non? Je n'entends la réponse. Non, frère Benjini, j'ai répondu à cela, n'est-ce pas? Elle me demande qui sont ceux, le groupe qui part dans la mort, l'autre qui part dans le séjour des morts. Je dis que l'autre, il ne connaît pas. Il ne connaît pas qui part dans la mort, qui part dans le séjour des morts. Je sais que les gens meurent. Hein? Si faut mourir, tu vas changer, tu vas aller où? Moi, il sait qu'il va aller dans le sein d'Abraham. Il va aller de l'autre côté. Quant à ce que les gens vont là-bas, c'est leur problème. D'accord, ma chère soeur? C'est compris, frère. C'est compris. Bon, j'avais une question concernant les invités de l'époux. Ça, c'est mes questions que vous voulez me poser comme ça, là. Remettons ça à dimanche prochain, le temps que je m'occupe d'autres personnes qui sont de l'autre côté de la manche, n'est-ce pas, ma chère soeur? J'avais une troisième question dans Luc 23, dans Luc 14, verset 23. Elle a 5 ans, je crois que c'était une question et puis une subsidiaire. Oui, allons-y. Je dois encore le dire. Je veux juste savoir qui sont ceux-là qu'on force pour assister à la noce. Voilà, donc tu vois donc qu'il faut qu'on développe cela, n'est-ce pas? Garde ceci avec 2 Chroniques chapitre 34 et 35 que nous avons lu aujourd'hui. On va développer ça dimanche par rapport aux forcing pour suivre le Seigneur. Il faut qu'on voit cela dans la parole, d'accord? Parce que là, dans ce livre-là, on dit, quand tout ce que vous allez voir en route, contraignez-les à entrer, d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. En ce qui concerne les invités, la soeur, on t'avait déjà donné une réponse, mais le reste, on a cherché fatigué. C'est pourquoi je pose encore la question. Non, il n'y a pas de problème. Donc, ça risque de prendre une quatrième question là maintenant. Donc, dimanche, on va bien régler cela, n'est-ce pas, ma soeur? C'est compris, que le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Allemagne dans la sainteté. Et la sainteté, c'est dans, tout nos, dans tous les domaines. C'est bon, tu vas avoir encore notre petite question. Ça ne pourrait pas manquer. Ça ne pourra pas manquer. Donc, l'Allemagne dans la sainteté, ça veut dire la sainteté dans toute notre conduite, dans tous nos domaines de la vie, dans toute notre façon de faire. Il faut qu'on se conduise jour après jour en attendant le Seigneur Jésus, que notre cœur aspire toujours aux choses d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse en Allemagne, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. À dimanche, amen. À dimanche, 14h, c'est amen. Ça? À dimanche, c'est ça, 14h. On a dit dimanche, quelle heure? Quelle heure, 14h, c'est ça? 14h, heure de Paris. Voilà. 14h. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen. Allô, mais on peut pas dire bien. Dans le temps, il y a un temps.